Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Salut les petits clous! Comment ça? Bonsoir à tous, bonsoir amis RQC1, RQCN. Ça merdouille tout plein ici dans mon casque, c'est normal? Oh, c'est possible. C'est peut-être parce que c'est pas toi qui l'as branché, c'est pour ça. Hein. C'est vrai, ah c'est ouais. Peut-être ça. Ah ouais, non, on est terrible. Et je suis content de vous retrouver, les gars. Ouais, bah pas nous. tant pis, il va falloir s'habituer maintenant, je reviens parmi nous, comme dirait Jésus-Christ. Hein? Oh là là. Non, Jésus, non, c'est il a été descendu de la croix par un chat. Ouais, c'est ça, parce qu'il descend Jésus parmi nous. Jésus est descendu parmi nous. Ouais. Ouais, là, je suis fatigué, je suis désolé. Oh là là là. Mais c'est bon. Ça commence. Je connaissais pas. Ah, je suis content. Une que je connaissais pas. Qui a fait descendu parmi nous. Ouais, surtout que moi, je l'ai faite à l'envers. Donc, tiens, en parlant de Mais si tu veux, j'en ai pas comme ça. Ah, bah je me doute. Des passages de la Bible méconnus des gens. Ouais. Pour lire entre les lignes, en fait. Ouais, mais on n'a pas le droit de parler de religion. Non, et on va dire bonjour peut-être. Ah bon, bah oui, et on va faire un tour de table, on va dire ouais, bonjour. Okay, oui, mais évidemment. Ouais. Et on va commencer par la plus jolie, la plantureuse, la. Enfin, non, bref, j'en dis, j'exagère un peu quand même. Ça n'est que Onissa. Hein. Bonsoir, Onissa. Hello, comment ça va? Ça va, on est content de te retrouver. Ouais, moi, ça fait plaisir, j'adore être avec vous. C'est vrai. Et vous savez que je vous ai écouté, moi, la semaine dernière. Eh ben vous passez vraiment bien, honnêtement. Ah, bon, on a passé une bonne petite soirée ouais, la semaine passée. Ouais. Non, mais je parle au niveau des voix et même au niveau du rythme, ouais. Au niveau de machin. Ah ouais, vous avez bonifié avec le temps, comme le vin, quoi. Mais c'était bon parce que moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 22h22. J'étais étonné qu'il était. Ah oui, nous, on était. Ah, c'est vrai que ça on a trouvé aucune longueur dans l'émission, quoi. C'est vrai? Ouais. Enfin, nous, personnellement, après. Moi, je vous ai écouté, je me suis endormi à 21h06. Ah bah vous avez reconnu sa voix, il est avec nous aussi. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On a dû reconnaître ma voix mais pas la tienne parce que tu parles du nez. Bah t'es ouais, enrhumé Harry. La crève à mort. Donc ici t'arrives, t'as dormi hein le derrière tout nu. Voilà. Ah ouais non mais c'est sûr, ah ouais, bah voilà. C'est clair. Et ouais, on t'avait dit il faut mettre un panier. Ouais. Mais non mais depuis que je travaille en fait je suis malade. Il est allergique. Tu sais quoi, je suis sûr que je te crois. Bah ouais mais c'est vrai, je te jure. J'ai des suées. Tu sais, c'est comme un troglodyte, il est sorti de sa caverne et rencontre des gens qui l'embrassent, qui lui serrent la main, des trucs. Ah, c'est peut-être ça. Ah, bah, après, t'as fait un salon commercial, c'est un nid à microbe. Hein. Ah, bah, c'est clair. Ah, mais ça, c'est. Et un nid à meuf aussi. Ah, oui, aussi, oui. Donc, il n'est pas que enrhumé. Bon, Canon. Oui, tu vas bien. Canon 9, bah, ça va. Bah, écoute, ça va, je suis parmi vous un petit peu, je resterai pas toute l'émission, mais voilà, je tenais. Le temps, quand même, de nous rappeler pas mal d'actualités te concernant, c'est vrai. Et ouais, ah oui, concernant, oui. Ouais, ah oui, il va y avoir ce clin, il va y avoir votre lot. Je reste un peu, mais ouais, mais voilà. Ça, on en parlera parce qu'il y aura une belle actualité. Mais pour les auditeurs, oui, je reviens à partir du mois de novembre, mais peut-être pas, ça sera peut-être pas toutes les émissions, c'est compliqué, mais je viendrai une fois tous les 15 jours, je sais pas, à la Toussaint. Allez, tant que c'est les Toussaint. Tu nous feras une pompe funèbre. Ouais, oh, pas de problème. Je peux faire ça avec les croque-morts. Ouais, c'est ça, et les obsèques. Oh là là. On m'a jamais dit ça. On sent qu'il est pas venu la semaine dernière, il met double souffle cette semaine. Il manquait un petit peu d'humour salace. Pourtant, le dernier médecin qui m'a ausculté m'a dit justement que moi, jamais on pourrait célébrer mes obsèques. C'est ça, je me doute. Nous sommes aussi également avec Doigt de Fou, qui tapote sur son portable. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Le mec qui craque des doigts et t'as dit ça, qui fait « Oh yeah !» Ça y est. Tout le monde a cru que c'était avec t'as pécho, là. Oh non. Ah non, elle dit pas ça parce que peut-être que ça c'est pas très l'écoute. Radiophonique, mais il y a peut-être les gens qui se sont imaginés que tu mettais ton dentier, tu sais. Ouais. Non, avant de parler. J'ai encore mes dents, moi. Bah oui, je sais bien. C'est pas belle, mais j'ai encore mes dents. Ou ça libra. Et alors, Tulip 4, petite chronique ce soir. J'ai encore mes cheveux, moi, 52 ans. Petite chronique ce soir. Ouais, t'as vu, il répond pas. Hein. Ah si, moi, bien sûr, t'as encore tes cheveux, mais oui, moi, je les ai plus. Si, j'en ai encore. Oui, une chronique. Mais moi, ils sont rares et ils sont chers. Bah quand je regarde tous les deux, ils sont placés de la même façon, mais toi plus plat. Ouais, c'est vrai, moins touffu. Lui, vachement mieux coiffé. Alors, petite chronique, oui, fait oui. Ah, mais on continue la série. Ah, mais il nous a régalé la semaine passée. Hein. Alors, tu as fait une chronique sur la semaine dernière? J'ai dans la série des One It Wonders, oui. Les gens qui ont fait qu'un tube, quoi. Et puis, d'accord, puis, c'était qui ouais. C'était Mars, la semaine dernière. Ah bah oui, absolument. Et on a appris plein de choses. Bah oui, t'as commenté, t'avais même mis très bon choix, oui. Ouais, et je m'étais trompé dans l'orthographe du mot Mars. Oui, t'as mis deux A au lieu de deux R. C'est vrai, oui. Absolument. Il y a Pepsodent ouais. aussi qui a fait qu'un tube. Donc tu continues sur... Oui. Donc rappelle-nous un peu le nom, c'est le One... One It Wonders. One It Wonders. Des gens qui ont cartonné qu'un tube, et, même s'ils ont sorti un album, qui n'ont plus rien fait. Alors, faute de persévérer dans cette voie-là, ou qui ont choisi notre orientation. D'accord. C'est valable pour des chanteurs, des groupes, hein, il y en a pas mal, tout compte fait. Hein. Ouais, ouais. Et puis ça, après, c'est étonnant. Oui, les conflits, comme la semaine passée, quoi. C'était, on sait pourquoi ils n'ont pas... Oui, alors... Ils n'en ont fait qu'un. Mars, en l'occurrence, j'ai cherché, ah, il y ouais. avait... C'était, puisqu'ils sont issus d'une formation vraiment éphémère, le temps de l'enregistrement en studio du titre Pump Up the Volume. Mm-hmm. Mais je n'ai pas trouvé pour autant un titre des deux groupes... Séparément. Qui, oui, voilà. Ah, ouais. Ok. Mais peut-être que ça il a été créé pour l'occasion, quoi. C'est juste que ça. Bah, en fait, c'était deux groupes qu'ils ont réunis pour faire... ouais, mais ça s'est pas très bien passé. Mais il y a eu une mode hein, comme ça, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, où c'était des collectifs, en fait. Et il y avait ouais. le guitariste de tel groupe qui rejoignait tel chanteur d'autre groupe. Enfin, je me souviens plus le nom du groupe assez connu. Mais là, connu, c'était... Là. C'était un, en fait, c'était quatre une... membres, en fait. Deux membres de chaque mmh. groupe, hein, de deux groupes bien distincts, mais qui étaient sous le même label, qui s'étaient rencontrés. Alors, je ne sais pas si c'était... Si c'était croisé dans les studios ou autre. C'est pas donc c'est le camion, le camion que vous entendez passer, c'est Harry qui a dormi tout nu. Qui et tout simplement, bah donc en fait, comme on peut le faire parfois, j'imagine assez bien au détour d'une conversation. Ouais, ça serait cool si on faisait un truc ensemble, quoi. Ouais. Mais très rapidement, ils se sont rendu compte que bah, en studio, ça collait pas du tout. Mm-hmm. Tant et si bien que chacun enregistrait de son côté. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les méthodes d'enregistrement, sur l'orientation à prendre. Donc en gros, on va dire qu'il y a un groupe qui a vraiment fait le titre parti au niveau des chants, des lyrics. Et ensuite, l'autre groupe qui a fait ce qui était plutôt musique de fond, on va dire. Pas d'accord. vraiment musique, mais la musique de fond, en ajoutant des scratchs, des samples. C'était chouette. Des... Bah, c'est, il faut avouer que c'est assez étonnant. C'est... Pump Up the Volume, c'est pas un titre qui se danse non plus, quand même. Enfin... Pump Up the Volume. Bon, on a ouais, plus que... dessus, tu rigoles quand tum, on était tum, jeune. Tum, tum, si, hein, tum, tu plais, tu sais, parce que tu sais pas danser, toi. On n'a pas, pas fait que danser, mais on a dansé aussi. C'est vrai. Moi, tu sais, c'est vas-y, monte le volume. Pump Up the Volume, on a dansé toute notre jeunesse là-dessus. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est l'histoire de sa vie, monte le volume. Ouais. Tu pourrais après augmenter le volume ? Sherlock, tu vas remonter le niveau quand même. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Comment ça va très bien. Eh ouais. Ben écoute, merci, bonne soirée. Notre petit Puma à nous. Oui, c'est vrai. Il a mis son t-shirt Puma. Donc ouais. Il faut qu'on parle d'Adidas et de Nike, évidemment. Oui, c'est logique. Reebok. Mais non, mais pas en Belgique. J'ai vérifié, il n'y a que vous raisonnez comme des Français. En Belgique, ouais, tu peux dire une marque. Ouais, mais comme on tient du CSA aussi français. Ouais, mais le CSA. Il doit y avoir un truc aussi quand même. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah alors, 21h, je vous ai préparé un petit film des années 80. Quelle année? Donc, pour le cinéma 80, c'est bien essayé. Quelle année? 87. Ouais, hein. Wow, 1987. Ouais, parce que je viens de le regarder. Ah. Je savais qu'on allait me le demander. Donc 1987, et à 22h, j'essaierai de vous donner envie d'aller au ciné. Ça va être compliqué. Oh punaise, j'adore quand il dit ça. Je vais essayer de vous donner envie d'aller au ciné en baissant les yeux aussi. C'est vrai. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a vraiment pas grand chose. Et je crois même que. D'habitude, je fais 4 films, et là, j'en ai fait que 3. T'arrives pas à faire comme. Et j'ai toujours trouvé ça mais merveilleux, comme Stéphane Boutsock sur RTL. Il peut te présenter une merde en te disant que c'est le film de l'année, quoi. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais très souvent, il va te présenter... Tu connais Stéphane Boutsock sur RTL, ouais. Petite radio locale parisienne. Et à chaque fois, quand il parle de cinéma, mais écoutez, tendez l'oreille, il a l'art et la manière de présenter un film et de donner quand même envie d'y aller. Et je sais pas comment il fait. C'était alors, quoi. Le truc, c'est que c'est une radio commerciale. Bien sûr, non, mais tu veux... Oui, évidemment. Et ils sont tenus... d'aimer tout ce qui passe. Nous, on est une radio libre, et je ne vais pas aller dire aux gens que c'est bien, alors que c'est peut-être une daube. Je leur donne mon avis à moi. Oui, bah, c'est forcément... Si tu donnes ton avis à moi, ouais, voilà. Je prends avec plaisir. Mais permets-moi d'en douter. Je vais leur donner... Ton avis à toi, le tien ? Ouais. Personnellement, mon avis à moi personnel. Ouais. Et je vais pas aller leur dire ouais allez voir le film alors que c'est une vraie merde et qu'après ils vont me dire ouais tu nous as conseillé un truc de merde Je préfère leur dire en mon âme et conscience que ils peuvent aller le voir parce que ça peut être original. Mais après, ils viennent pas se plaindre si c'est pas bien, quoi. Ouais, mais le souci, c'est que les super films, t'as l'impression que c'est des merdes avec toi. Non, c'est vrai, mais t'as raison. Le souci aussi, c'est que je ne peux pas voir tous les films en avance. Bah, bien sûr. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je te taquine, hein, C'est vrai que t'as une voix de merde, mais c'est des films... un petit aparté, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un gars qui fait les voix off. Je rentre pas dans... Mais il fait les voix off, celles qu'on entend partout. Et il me dit, tiens, j'ai fait telle pub, me demandez plus lesquelles, je sais plus. Ouais. Et TF1, Antenne 2, mais aussi NRJ, pour pas les citer. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tout est dans une question de timbre de la voix. Il me disait des fenêtres PVC. Et oui, maintenant, vous partez, mais je sais pas le faire. Il a une intonation, il a une puissance vocale qui fait que tu fais... Ah, bah ouais, ce serait bien de se renseigner, quoi. Il y a une école, hein. Il y en a même plusieurs. Oui, on en a parlé. De post-production. Post-production, ouais. De voir. Ah, ouais, non, mais bien sûr. Et il y a quelques années, moi, j'ai eu l'occasion, en ayant été au chômage, de bénéficier d'une formation. Ouais. Et c'était les voix de Homer Simpson et de Marge. Moupinaise. Ouais, qui faisaient la formation. Et bon, j'ai pas pu la faire parce que j'ai retrouvé du boulot entre temps. Mais c'est bête. Et d'ailleurs, sur Tourcoing, il y a souvent des formations comme ça, post-production, c'est sympa. Hein. Mais ouais, ils ont. Enfin, toi, t'as plus l'art de la scène que moi, mais c'est vrai qu'ils faisaient un truc, c'était par exemple, c'était l'hiver, 1942, le froid. Tu vois, rien qu'avec sa gestuelle, il laisse un blanc, et ce blanc, tu te dis, ok, on compte. Et il s'arrête. Non, il le laisse encore un peu. Et nous étions partis sur le truc. Et t'es vraiment pris par. T'es dans ta radio. C'est un métier, t'es en train de rouler et t'entends comme un grand Alain Decaux. On aime ou on n'aime pas, on se fout de sa gueule. Il te tenait. Moi, Decaux, c'était un 6-8. Quand tu l'entendais, c'est lourd. Mais en fait, moi, j'écoutais tout ce qu'il disait parce qu'il mettait une rythmique, il mettait une intonation. C'était un film. Voilà, je me suis exprimé. Mais t'as bien fait. Bah, écoutez, bonsoir. Et on a manqué à nos obligations parce qu'évidemment, il y a aussi notre ami Odissa qui a préparé une petite chronique. Mais oui, absolument. Bah ouais. Tu dis ça à l'air tout étonné. Ah non, mais je suis pas étonné du tout, toi qui... Si, je suis étonné en fait. Alors, de quoi tu vas nous parler? Ah bah, du week-end quand même. À Moucron, c'est la fête des hurlus, c'est sacré. Ouais, donc tu vas nous faire une petite rétrospective sur qu'est-ce qu'un hurlu. Ouais. Et qu'est-ce qu'un berlu peut-être aussi. Comment hein? Qu'est-ce qu'un berlu? Un berlu? Un hurlu berlu, c'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est important beaucoup les Moucronos. Hein, bien sûr, absolument. C'est une fête sacrée. D'ailleurs, elle ne devait pas avoir lieu et ils sont très contents qu'elle se... Pourquoi elle ne devait pas avoir lieu? Avec les travaux de la Grand Place. Ah oui, c'est vrai. Donc ils ont tout oui. rebouché et il y aura... non, si tout va bien, donc la fête des Hurlus, ça c'est sûr, et le marché de Noël. Deux choses qui devaient être annulées, mais ça c'était un sacrilège. C'est vrai. Eh bien, écoute, on a hâte d'entendre ça juste après... la coupure musicale de notre ami Sherlock. Oui. Ben alors. Et par contre, la semaine dernière, tu nous as passé un titre. Laisse tomber quoi. Je croyais que j'allais mourir. Ah oui, c'était non, mais c'était l'ABC Song. Ah oui, c'était un roulet de song. Ouais, je sais plus. Un roulet de song, c'était quoi? Je me souviens. Jean-Franck Michael ou non, je t'ai même répondu. C'est Frédéric François. Ah oui, Frédéric François. C'est Onissa, oui. C'est Onissa qui avait fait. Et elle était toute contente. Ah ouais, bah tiens. Elle était à fond en train de danser sur la table du studio. Sur une jambe seulement. Ouais. Mais c'était pas de moi, c'était vraiment le hasard. Comme quoi. C'est le hasard du tirage. Le hasard des fois. Ouais, il fait pas bien les choses. Voilà, c'est bah ça. Non, ça permet de faire plaisir à tout le monde. De tirer. Bah ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, alors, bah, à quelques Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de plusieurs personnes, et notamment de Brian Ferry. Ah ouais. Le chanteur de Roxy Music, exact. De Philippe Laville. On en a déjà parlé la fois dernière. Il donc tape je vais sur des mambos, il n'est plus du tout numéro 1. Qu'est-ce qu'il a fait, Onissa, en musique? Mais c'est également l'anniversaire d'Olivia Newton-John. Ah ouais. Qui était, qui était Sandy dans Grease. Et elle avait chanté une chanson aussi. Enfin, même plus bah qu'une. Oui. Ah oui, plus c'est beau. Elle est, enfin, si c'était Xanadu. Elle a fait, j'adore. Ouais. C'est Xanadu avec Ella, donc Hello, Electric Light Orchestra. Oui. Ouais. Et est-ce que tu as vu le film? Xanadu, non, je l'ai pas vu. Alors, il faut que tu mettes ta ceinture, tes bretelles pour voir le film et essayer de savoir, de comprendre l'histoire et d'aller jusqu'au bout. C'est énorme. D'accord. C'est énorme. D'ailleurs, je crois qu'on le trouve plus. Xanadu. Ah, Xanadu avec un acteur célèbre, d'ailleurs, américain. Je sais plus, c'est pas Rod Steiger ou quelque chose comme ça, mais. J'essaierai de regarder ce ça. Film, mais il est space. Heureusement qu'il y a la chanson Xanadu, parce que je l'ai acheté que pour ça. Et là, Alors, où est ça, Roxy Music, ça te parle? Une chanson que t'adores. Oui. Avalon. Avalon. Il y a Avalon, ouais, effectivement. Mais là, c'est pas Avalon que je vais vous passer, c'est Slave to Love. Ah ouais, Slave to Love. Et ouais, Slave to Love. Donc, on se retrouve après Slave to Love de Roxy Music et Xanadu d'Olivia Newton-John et Electric Light Orchestra. We'll be right back. Xanadu. Ah, j'aime bien cette chanson, vraiment. Il y a Sherlock qui vient nous faire des petits yeux de pervers, tu sais, parce que, enfin, on vous l'explique, c'est qu'il s'amuse pour nous prévenir que ça va passer à l'antenne. Il met un tout petit coup de son et la lumière devient rouge et tout. Et là, il nous regarde avec ses petits yeux pervers en disant je vous avais prévu que l'antenne revient. C'est ça. Mais ça vous met un petit coup de flip comme ça d'un coup. Ah non, c'est ouais, non, vas-y, ouais, laisse tout rouge tout le temps. Il n'y aura pas de flip, t'inquiète pas. Voilà. Eh ben donc, tiens, Canon, t'as la parole. Parle-nous quand même de ce qui se passera vendredi. Oui, oui, parce que bah, ça y est, c'est un bel événement. J'espère vous voir nombreux. On avait reçu il y a 15 jours de ça Sarah, si vous vous souvenez bien, Sarah Briseur, qui s'occupe en fait de l'association des enfants Mingues, et en compagnie de la chanteuse Véro Solo, qui était venue. Et en fait, c'est une association qui fait un spectacle sur ce clin, donc vendredi prochain. À la salle des vendredi fêtes. Ici, c'est vendredi ici, dans deux jours. Prochain. Prochain, moi je parle, excusez-moi, à la Bretonne, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Vendredi ici, donc vendredi qui arrive là. Donc vous inquiétez pas si ça pouvait vous plaire. Donc c'est un tour de chant donc de Véro solo, de moi-même. Donc moi j'interprète une vingtaine de titres solo, Véro aussi, Véro solo, c'est pas un jeu de mots. Et par contre on vous réserve des duos, c'est pas pour faire un effet d'annonce, mais des choses un peu voilà techniques. On s'est vraiment arraché. On va faire une dizaine, douzaine de duos. Voilà, donc il y a où est ma chemise grise. le zaï-zaï de Pierre Perrette. Non, on va taper du Balavoine. C'était où de Jacques Hélio. Ouais, voilà. Du Garou, du Balavoine, du Mercury, du il va voir. Voilà. C'est un bon programme. Ça. Et puis non, moi ça m'a touché parce que c'est il y a il y a des centaines d'associations, on est souvent, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, sollicités, on ne peut pas répondre à tout. Ils nous ont proposé en me disant, moi c'est du gratos, c'est du truc, on a besoin, et puis on l'a mis sur le site. C'est des enfants, comme beaucoup, qui sont atteints d'une maladie orpheline, et où la survie est compromise, ça sert à rien, les parents le savent, donc ils vivent au quotidien avec ça en se demandant toujours quand ils vont se réveiller le matin, est-ce que l'enfant sera encore vivant. Donc ça c'est le côté triste, là on n'y va pas pour ça, c'est pour faire connaître la maladie. Je suis pas le genre à craquer comme ça, il y a tellement malheureusement de choses qui sont tristes, mais il y a vraiment une volonté de Sarah, elle ne pleure jamais, elle se plaint jamais, tout ça, mais c'est une maman où l'enfant va pas très bien, et le papa aussi. Ils ont vraiment envie de faire connaître cette maladie et les fonds sont exclusivement reversés. Donc si vous avez envie de mettre 12 balles, je crois, pour un spectacle avec apéro dînatoire à partir de 18h30. Il reste des places, vous pouvez très bien venir, donc vous serez pas placé dans le fond, c'est que les gens se mettent où ils veulent, c'est festif. Premier venu, premier servi. Voilà, 18h30, apéro dînatoire. Et c'est où alors exactement ce clin? Donc c'est la salle des fêtes, la salle des fêtes de ce clin, avec un matériel professionnel, ça chante pas bui-bui, hein, ça va vraiment chanter, on est vraiment dans de bonnes conditions. C'est même vraiment sympa. Donc c'est vendredi soir. Alors évidemment, il y a des infos sur Facebook. Hein, si oui, vous l'avez. Je peux vous la remettre. Ce serait bien de remettre un lien effectivement sur la page de 80 à l'heure, de façon à ce qu'on puisse relier l'information. Hein. Voilà. Il y a déjà beaucoup de monde qui. Je remercie la fanfare, la rétro fanfare de Waterloo. Il y a énormément de personnes. Rassemblé. Voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi qui viennent, et pas simplement pour me voir, ils ont répondu un peu à l'appel, des gens, des assistantes maternelles aussi, des gens que, je salue s'ils m'écoutent, ça m'a touché, et Véro Solo qui ramène aussi... Si t'as prévenu tous tes ex, c'est bon, la salle est remplie. Non, c'est ça le problème, c'est quand j'ai prévenu mes ex, il y a 420 places, hein, et ça a été un gros problème. Tu vas faire deux dates. D'ailleurs, je fais un bisou à Dorothée, qui nous écoute. On l'embrasse très fort. C'est des petites places. C'est laquelle des Dorothées? En fait, on met trois femmes. Hein, laquelle des Dorothées? Comment elle s'appelait? C'est pas J'ai tout mangé chocolat, c'est pas Dorothée. Ah non, c'est sûr. Ah non, mais moi, les Dorothées, c'est un club. C'est le club Dorothée. Absolument. Vanessa, tiens, dis donc. T'as pas envie de nous parler aussi d'un événement qui va avoir ce week-end? Très important pour les Mouronnois, même pour les Coucher. Français, De Coucher que tu vas nous parler là. Ah, les Hurlus, hein, c'est sacré qui a déjà été à la fête des Hurlus? Alors nous, on a eu pour coutume On a eu pour coutume, effectivement, à la radio RQC, de faire des portes ouvertes pendant les Hurlus. Et il y a encore 2 ans, on assurait les portes ouvertes des Hurlus. Mais je suis étonné d'ailleurs qu'on n'en parle pas. Donc je ne sais pas si c'est prévu, mais... Oui, mais vous connaissez l'origine de la fête des Hurlus et ce que ça représente. Alors oui, alors je pense que c'est des paysans, les Hurlus, non? C'était des gueux, on les appelait comme des ça. Des gueux. Oui, ouais, mais qui ont défendu... Oh, mais c'est pire. Oui, mais c'est ça, c'était des gueux. Ils ont inventé la gueuse. Celle-là, on la boit. Ah bah, c'est la femme du gueux, la gueuse. La gueuse. Oh non, hein. Bah si, ouais, si, c'est ça. Ah si, c'est ça. Ah ouais. C'est ça, en plus. Non, c'est ça. C'est vrai, ah, c'est vrai, tu vois. Ouais. Évidemment. Comme une gare, je suis dire, ah, la gueuse, ouais. Ah oui, c'est vrai. On aurait pu dire sans que ce soit une insulte. C'est parti en cacahuète. Tu vois, ta chronique, elle va durer une demi-heure. Ah ouais, mais ça, c'est rien. Les Moucronois, ils adorent, et moi aussi. Alors, les Hurlus, dis-nous alors exactement ce que c'est. En fait, à l'origine, les Hurlus, c'était des gueux qui ont défendu, en fait, leur église, leur... comment on dit ? Merci la gueule. Religion. Oui, tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Il me prévient quand tu fais des trucs pareils. Ah bah non, sinon, ce serait pas rigolo. Donc en fait, c'était en 1566... un mercredi. En fait, il y avait les conquistadors et tout ça, les Espagnols, qui voulaient absolument nettoyer les églises pour imposer leur religion protestante. Mm-hmm. Et les gueux, en fait, se sont soulevés pour défendre... notamment l'église Saint-Barthélemy, à laquelle il se trouve au centre de la place de Moucron. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, il faut quand même remercier les paras, parce que... Les qui ? Les paras, commando. Ah bon ? Ils font une descente du clocher, donc ils retranscrivent en fait la défense du gueux, et qui ont capturé... Ils descendent en parachute ? Ils descendent en rappel du clocher. En rappel, oui. Ah, ouais. Ça, je l'ai vu. Mais je ne savais pas que c'était des parents. Ouais, excusez-moi, je suis parachutiste. Ils font même des démos pour... ah oui, parce qu'il faut une certaine sécurité quand même, t'imagines. Ouais, même, j'imagine qu'au marché de Noël, c'est aussi un para qui fait le Noël. Excuse-moi, mais pour tous les parachutistes qui nous écoutent, excusez Harry, mais les mecs, ils sautent en parachute du clocher de l'église. Bah, tu sais, mon garçon, ça, j'ai vu. Alors, je sais rien, moi. Pour la précision, c'est un para légionnaire. C'est un légionnaire qui est allé dans les parents parce qu'il a une grande barbe. Ah, celui du Père Noël, tu parles. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est une attraction qui est très importante. Et y a ça doit pas durer longtemps. Bah, ça se passe toute la journée, enfin, t'as pas écouté. Il met toute la journée pour descendre l'église. Non, il descend, il remonte, il descend, il remonte, ça part. Bon, ça suffit. Ils font une attraction et après, ils permettent à certains enfants, moyennant sécurité, bien sûr, maximale, mm-hmm. de pouvoir tester, de descendre en rappel du clocher. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui, oui, c'est quand même. Vas-y. C'est quelque chose qui est super. Mais j'ai jamais vu pourtant les Hurlus tous les ans y aller. Ça me vaut trop. Pas pendant la manifestation. Si, ça se passe en 3 jours. Donc le vendredi, c'est plus pour les enfants. Donc il y a le cortège des allumoirs et tout ça. Le samedi, il y a la descente donc, des paracommandos pour retracer l'histoire. Après, il y a le grand concours de pétanque qui ramène énormément de monde. C'est très sacré aussi, ça. Ça ouais. Mon père le faisait tout le temps quand j'étais petit. Ah ouais, tu vois, ça, c'est hyper important. Famille de boules. Ah ouais. Merci, Jacques et Michel. Oh non. On parle d'un événement familial. Si bah oui, c'est familial. On ne fait pas familial. Comme Sherlock quand il fait une chronique cinéma, mais vas-y de la vie, quand on a envie d'aller à cette fête. Eh ben oui, c'est très agréable, il faut y aller. Au moins, en plus, t'apprendras quelque chose. T'as pas encore vu la descente, je me rappelle. Ah non, jamais. Par contre, le défilé, il y a toujours un défilé tous les ans. Des géants, ça c'est le dimanche. Mais il y a aussi des Gilles. Ah oui, en fait... Il y a tout un... Il y a deux fois les Gilles. Hein. Ouais. En fait, il y a les Gilles le samedi soir. Je ne sais plus comment ils s'appellent, j'ai un trou de mémoire. Eux, c'est le samedi soir, en fait, et ils font le brûlage de Maronne, et enfin, ils font tout le cortège. Le brûlage de Maronne. Ouais, le brûlage de Maronne, on appelle. C'est quoi le brûlage de Maronne ? C'est le brûlage des bosses. En fait, quand tu... Ah, des bosses ? Oui, en fait, quand tu... Parce que Maronne, c'est une culotte. Ah, et pour les vieux slips, hein. Oui, mais en fait, ça revient au même, parce que quand tu fais le départ des Gilles le matin à 4h, tu vois le bourrage des Gilles. Pas le bourrage, hein, ça aussi. Pas coco aussi dans les deux sens. Oui, hein. Mais là, tu vois comment ils mettent la paille et, et donc ils travaillent toute la... Et le soir, ils enlèvent la paille, donc le bourrage de Maronne, parce que la paille, ça descend quand même. Ah, je me demande. Un bourrage de Maronne ? Ouais, c'est le bourrage. Le brûlage. Ah, je vais y aller. Il y a d'accord. Le bourrage et le brûlage. D'accord. Et non pas le bourrage de la baronne. Hein, ça y est. Bon, je vous laisse parler un petit peu, comme ça je peux retrouver comment ils s'appellent, mes petits Gilles. Donc il y a le Café de la Paix qui... Ah, mais ils participent tous. Donc il y aura un cortège de géants. Un cortège de géants, mais ça c'est le dimanche. Ouais. C'est qui les géants ? Ah, les géants, je les ai... Il y a tous des drôles de noms, j'avoue que... Bah vas-y, écoutez. Tous les géants ? Ouais, vas-y, allez. Ah bah dis, alors, il y a Bertrand Van Bissegem, El Toyot, Sylvie, non, bah finalement, on n'a peut-être pas trop envie. Bah ouais, c'est El Toyot. C'est en fait... El Toyot. El Toyot de l'Mermite. Oh, pardon. Elle touillote toute la journée et à la fin on brûle le smaron. Non mais allez, c'est sympa. Il y a aussi également l'intronisation des nouveaux baillis. Donc c'est important toutes les. Qu'est-ce qu'un bailli? Personnalité. Bailli du Limousin. Oui. Celui qu'on a fendu un beau matin, qu'on a pendu, etc. Et on lui pèlera le jour. Non, les baillis, c'est les gens. Non, j'y crois pas. Eh, les baillis. Non, mais c'est... Qu'on a fendu un beau matin. Vous êtes bourgmestre, laissez le chemin. On l'a fendu avec ses tripes. Ouais. On voit que l'Allemagne a gagné des voix au troisième voix. Ça y est, ils sont... Donc, on pourra en revenir aux Gilles, quand même. Donc, les Gilles du samedi, c'est les chouchous. Ah, oui. Hein. Et alors, après, vous avez... Vraiment les Gilles des Hurlus, quoi, qui sont d'accord. Différents, ils se rejoignent tous. C'est, d'accord, et donc c'est ça démarre bien. Samedi Vendredi, et ça finit dimanche. Dimanche, ouais, dimanche ouais. Soir. Donc ça va être la et ça facilités. Finit toujours le dimanche soir, le samedi soir, il y a le rondeau des chouchous, et le dimanche avec tous les Gilles, alors. D'accord. C'est vrai que le samedi, si vous y allez vers 14h et que vous restez jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est très, très, très, très festif. Ouais. Je n'ai pas dit que le vendredi, le dimanche non plus, mais le samedi, c'est très festif. Ouais. Bah, oui, parce que... Il faut rester sur la place de Moucron dans les environs, buvez un verre de temps en temps, vous allez, il y a des animations, ça bouge. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu vas me sortir bah non, à tous les Gilles, il n'y a pas que Gilles, il y a Pierre-Paul. Bah, de toute façon, c'est quand même pour... Je te sentais monter dans l'humour et d'un seul coup, tu vois, c'est quand même pour l'Église catholique, donc il y a tous les saints. Et ouais, oui, je suis bien. Tous les saints sont là. Et on ne sait d'ailleurs plus à quel saint se vouer. Ouais, j'avoue. Oui. J'avoue que là, t'es sincère. Bah, oh si t'es sincère, des grappes pour tout. Arrêtez d'être rigide, je ne vous ai jamais crucifix. Oh ouais. Allez, bon, Sherlock. Bah, donc, en tout cas, après il y a tous les commerçants qui participent. Ah bah oui, bah, on se doute. Ils profitent de la journée pour bah, en faire. Il y a la journée des clients. Il y a des dégustations et tout dans les. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Bah, et en plus, ça se passe partout. Il y a la place, il y a la rénovation. Enfin, c'est vraiment festif. Il y a un restaurant qui fait, alors je ne sais plus son nom, mais le style tartiflette, mais il le fait avec de la chimée. Mmh. Vous trouverez ça juste en face du nouveau parking de Moucron, là, celui qui a été fait, aidez-moi. Oui, près de la nouvelle hôtel de ville. Non, non, de l'autre côté, je parle d'ici récemment devant l'ancienne pizzeria qu'on connaissait, la Dolce Vita. Il y a la cantine, il y a un restaurant. Non, non, de l'autre côté, dites-moi, aidez-moi, donnez-moi son nom. Bah attends, ouais, je vais le trouver, bah tout oui, moi, à l'heure. Oui, moi j'ai un petit parking diagonalement opposé, voilà. Pas loin de chez toi, là. Il y a la cantine, oui, moi je vais en face. Non, non, je vous le dirai, ouais. je vais le trouver. Et non, donc, et par contre, attention. Et si vous venez de la part d'RQC, voilà, non, c'est pas une blague, non, vous venez de la part d'RQC, les deux premiers qui viendront de la part d'RQC se verront offert ce plat. Ouais, génial. Et il y a Pierre-Alain aussi qui fait la tarte Hurlu, spécialité qui se passe qu'une fois par an. Ouais. Les petits chocolats Hurlu également. Ah oui. Les brioches. Et les brioches surlues. Et la tarte, c'est ça? La tarte, oui, il y a la tarte. La turlute, donc. Non, la tarte hurlue. Ah, pardon. Bon. Tu penseras couper le micro de Flipkat, là, parce que. Oui, parce que quand même, c'est pas beau. Non, c'est bon. Mais c'est vrai qu'au-dessus de l'église, il y a un moment, il y a un jet. Et on jette des hurlues. Ça, c'est à la commune, oui, on jette des hurlues. D'accord. Et c'est quoi déjà des lignes? C'est des petits personnages orange et vert. Et en fait, ça représente l'aigu. Et ça protège toute l'année. Parce que, en fait, normalement, à l'origine, il y avait la bataille entre le curé et le gueux. Mmh. Et quand le gueux gagne, ça porte bonheur pour toute l'année. Et alors, il y a le jet des hurlus. Des hurlus, d'accord. Et à l'époque, ils jetaient les retraités du clocher. Ouais. Après, c'est une période sombre. Hein. Il y a eu les hurlus, ça n'a pas fait que rigoler. Il y a eu, des morts et des gens qui ont crié. Hein. Oui, mais à chaque fois qu'il y a eu, je veux dire, une manifestation comme ça. Et ils ont. Allez, c'est le syndicat d'initiative qui a fait la fête des hurlus à partir de 1975. D'accord, donc ça fait. C'est quand même quelque chose d'important. C'est pour ça quand. Allez, les Mcrono, ils ont appris que normalement, il n'y aurait pas la fête du Hurlu, c'était impossible. Quoi. Bah oui, c'est une institution. Hein. Moi, je suis de 67, je me souviens, à l'âge de 12 ans, j'allais avec mes parents, c'était la fête des Hurlus. Ça a toujours été une institution. Ouais. Et d'autant plus que je crois que cette année, il va y avoir un bel hommage quand même pour le bourgmestre. Ah, bien sûr, c'est probable. Oui, parce que normal. Ils étaient bien obligés de faire la fête des Hurlus, j'imagine. Oui, et puis même Alfred, il avait tellement œuvré pour, ne serait-ce que pour les allumoirs. Lui, c'était important de, que tous les enfants puissent aller faire. C'est ce qui m'a, touché récemment, c'est que j'ai dit une petite anecdote où je l'avais rencontré. Et c'était, puisque tu en parles, c'était il y a un an, il était aux allumoirs avec le petit Courtrai qui avait fait ça. Et là, qui me disait justement, attends, c'est normal, il avait l'air crevé, et qui m'avait dit, je répète, dit, je suis, mais c'est après tout, ils se bougent tous le derrière pour qu'il se passe quelque chose dans la ville, c'est quand même la moindre des choses que je vienne au moins les saluer. Alors on va dire, oui, il disait ça. Non, il n'y avait pas à me le dire présent, là, on n'était qu'à deux, C'est marrant que tu parles de ça parce que c'était lundi. Je trouve que cette image, ça le représente bien, quoi. C'était quelqu'un de humble et œuvré pour les enfants, quel que soit le. Un bourgmestre, je pense qu'on l'aime ou on le déteste parce qu'on est tous touchés par le côté politique de la ville et tout, mais le personnage, c'est vrai, quelqu'un qui disait qu'il était antipathique ou c'est pas vrai. C'était plutôt quelqu'un d'empathique, qui était sympa, qui était super. Serviable. Il aimait les gens, il sait d'où il venait. Il était ouvert à tout le monde, il y avait vraiment pas de. Il venait de rien, il avait bossé, c'est un mec qui avait touché. Enfin voilà. Moi j'ai une amie qui avait venu, elle a dit que c'était le genre de gars, même après son boulot, aller du genre percer un trou. On est sa personne. Mais il n'arrêtait jamais. Il était partout. Il était vraiment investi. C'était vraiment sa vie, quoi. Mm-hmm. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est noté. C'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et voilà. Donc la fête des Hurlus. Petite chose quand même, c'est que il y a un monsieur, je trouve, qui est très représentatif. C'est que dans ce malheur, il y a des gens qui ont dû être élus. Alors on va toujours dire c'est par procuration. Non, ils sont en attendant. Et il y a Laurent Arduin. Qu'on connaît tous et tout ça, qui est juin, et je pense que c'est un gars qui est très très très connu de tout le monde, qui est très juste. Enfin, le bonhomme que je connais, il est très cohérent, c'est plutôt un festif, dans le sens, de faire que ça s'anime, que ça bouge, et je pense que le flambeau, et je lui avais écrit un petit mot, je pense que le flambeau est entre de bonnes mains. Voilà. Bien. Donc la fête des Hurlus, c'est ce week-end en fait, un vendredi, samedi et dimanche. N'hésitez pas. Vous allez voir, il y a pas mal de manifestations qui vont certainement vous plaire. Eh bien, on va continuer en musique, cher Luc. Oui. Encore avec un anniversaire. Bon là, malheureusement, la personne nous a quitté il y a quelques temps. Ouais. C'est Robert Palmer. Ah, j'étais même pas au courant. Il est parti. Il est décédé en 2003. Il était pas bien vu en plus. Non, je pense pas. Robert Palmer, entre Johnny and Mary. C'est ça, c'est celui-là justement. Je vais passer Johnny and Mary. Et ensuite, on reviendra avec les Commodores et Night Shift. Ouais, avec Lionel Richie. C'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she comes ahead, knows he tires easily. John is always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. Your love, it lifted us higher. you're singing proud. Non, non, alors pourquoi cette musique? Bah ouais, c'est Terminator. Terminator 2, exactement. Quasi, ouais. Quasiment. Mais là, c'est Terminator 2 parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui aussi de Linda Hamilton qui jouait Sarah Connor justement dans Terminator et Terminator 2. Ah oui, ah ouais. Donc c'est pour ça. Depuis toute jeune. Hein. Non, bah elle est née en 56. Ah, je suis quand même. Donc, elle est plus toute belle en fait. C'est ça. Bah, sérieusement, elle a pris un peu du t'avais le choix, soit ça. Ouais. Soit ça. Ouais, j'ai reconnu. Oh non. Les premières notes, j'ai retenu. Parce que c'est l'anniversaire aussi de Melissa Sue Anderson qui jouait Marie dans La petite maison de la prairie, tu sais, celle qui devient aveugle. Ouais. Ah oui, d'accord. Qui était très très jolie, je trouve d'ailleurs. Oui, c'était pas le même encore. Comparé à Melissa Gilbert, je trouve qu'elle était beaucoup mieux. Melissa Gilbert, elle est bonne. Enfin, elle est belle aussi. Elle est bonne actrice, c'est ça. Hein? Elle est bonne actrice. Ah, oui, mais c'est parce que je suis enrhumé, j'ai pas eu le temps de finir. Oui, oui, bien sûr. Oui, j'avais bien compris. Évidemment. J'avais bien compris, évidemment. Non, bon, Canon nous a quittés. Enfin, oui. Comment on dit en anglais, Canon nous a quitté. Yes. Non, allez, Canon a dû nous quitter pour des raisons bidons. Et Donc faut les skier, hein. Oh non. Donc voilà, non, parce que effectivement, voilà, il y a eu un petit malentendu, parce qu'en réalité, c'est avec ses ex, c'est pas une petite salle qui va remplir, c'est un zénith entier. Hein, il nous l'a dit avant de partir. Ouais, donc il est un peu vexé, donc il est parti. Non, on le salue évidemment au passage. Il est sur la route et puis on lui souhaite bonne continuation et on le retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment. Bien sûr. Oui. Mais tout à fait. Votre enthousiasme. Non, quand même, non, parce que bien évidemment. J'étais en train de penser à quelque chose. Ah, c'est beau, c'est bien ça. Oui. Il nous parlait de Dorothée tout à l'heure. Et tu parles de Zénith, tu sais que c'est elle qui a rempli le plus de fois le Zénith, ou le Bercy, je pense, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Bercy, à mon avis. Bercy, ouais. je crois qu'elle l'a rempli 54 fois. Ouais, mais attention, c'était sacré, hein. Ouais. Et en ce moment, c'est les 30 ans de la fin du Club Dorothée, en fait. Enfin, les 30 ans du début du Club Dorothée, parce que ça a été créé en 87, et ça s'est terminé en 97. Ah, j'ai une émission à ce sujet, justement, sur les débuts, avant... Ouais. Alors, Dorothée a commencé, elle, déjà en 81, je crois, ou même un petit peu avant, avec Récré à deux. Oui, Récré à deux. Enfin, Récré à deux. Oh, je l'ai, hein, si tu veux. J'ai la musique. Nostalgie. Et en plus, comme il y a enrhumé, ça fait une caisse de résonance dans les sinus. Ouais. Ah, si, j'adorais ça. Tu le retrouves, ça? Ah ouais, le générique. Oui, avec la 2, ça faisait ça. Ah oui, oui. Ah oui. Récré à 2, enfin récré à 2. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous. Fait bon vivre. Vous vous rappelez aussi des 4 amis? Oui, avec Fabrice qui présentait. Amis, aujourd'hui, tu te rappelles? Attends, les 4 amis, je dois les avoir aussi. Ah oui, c'était beau ça. Oh, bah, c'était suis un peu dans la même veine que Grandes Vacances. Les quatre amis. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que Fabrice chante dedans aussi. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Il faut que je le retrouve. Ah, si, si, si. Sherlock nous trouve le générique, les quatre amis, bien sûr. Donc il y avait, il y avait quatre personnages forcément. Ouais. Ah oui. Il y avait tout Cancan, il y avait Belle Belle, rappelez-vous. Non, du tout. Si. Bah non, écoute, ça me ouais, parle ouais, pas ouais, du tout. Belle Belle, je sais plus ce que c'était exactement, c'était une plante ou je sais plus, quelque chose comme ça, mais... Attends, parce que j'ai tellement de trucs dedans qu'il faut que je le retrouve. J'ai Croque Vacances. Ouais, ça c'était avec Isidore et... Et Clémentine. Et Clémentine. Ça faisait ça. Vive le temps de... Enfants sont amis, venez entrer dans la danse. Ça c'est Fraggle Rock. Ah ouais, ça ressemble un peu à Fraggle Rock. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Eh bien, il faudrait qu'on se fasse une chronique spéciale générique et des familles, parce que c'est vrai que ça peut être un bon petit sujet. Tu peux m'en occuper si vous voulez. Ah pourquoi pas, ouais. Ouais, bah pour 2018, on va voir. Si tu veux des génériques, tu me demandes, j'en ai. Ah bah moi aussi, tu penses bien, j'adore tous ces génériques. Voilà, ça me rappelle de bons souvenirs et je pense que ça peut rappeler aussi de très bons souvenirs à tous nos auditeurs. Voilà. Sherlock. Oui. Rétro Ciné 80. Bah allez, c'est parti. Rétro Ciné 80. Mon portable aussi, il a hâte. Oui, évidemment, il n'arrête pas. Oui, j'entends ça. Oui. Attends, il faut que je retrouve juste... Des génériques. On va te le faire si tu veux. Non, Duchess! Si c'est que ça, hein, il suffit de demander. Hein. Moi, je fais la DeLorean si tu veux. Ça marche? Allez, on est parti. Nom de Zeus! Nom de Zeus, les amis! Montons vite dans la DeLorean! Ne perdons pas une minute de plus! T'as vérifié la pression des pneus? C'est fait, Flip 4. Bon, elle tire à droite, toujours. En 1987. Ah, 1987, effectivement, et plus précisément le 23 décembre 1987. Un mercredi. Oui, effectivement, c'était un mercredi. Alors, est-ce que ça vous donne un indice, déjà? Bah, c'est le style de film qu'on voit à Noël, déjà, à mon avis. Que c'est le 23 décembre, à mon avis, non? Alors, oui et non. Parce que c'est pas un film sur Noël. Ah non, je dis pas que c'est un film sur Noël. Mais c'est un film familial. Ouais, voilà, je me doute. Je me doute. Voilà, c'est un film où toute la famille peut se retrouver. On va tous pouvoir rigoler devant... Devant ce film. Effectivement, devant ce film. Je vais vous passer... Non, je ne vais pas vous passer d'extrait tout de suite. Je vais vous dire que le film a été réalisé par William Dear et la musique est de Bruce Broughton. Mm-hmm. Ça ne vous dit rien du tout. Alors, en acteur, je vais le dire plus tard, mais le film a fait 290 804 entrées au box-office français. C'est vraiment pas beaucoup. Mais il a quand même reçu deux prix, dont un Genesis Awards mettant en valeur la cause animale. Un Genesis. Ouais. Un Oscar pour le maquillage. Ouais. Et il a eu 7 nominations, notamment aux Saturn Awards et aux Young Artist Awards. D'accord. Young, ouais. Ouais. D'accord. Alors, je vais vous passer peut-être le premier extrait, ça va peut-être vous aider. Écoutez. Je voulais King Kong et tu m'apportes un hamster géant à la place. Je t'avais dit ce qu'il fallait faire et tu fais tout le contraire. Mais peut-être que j'ai mis dans le mille. Comment est-ce qu'on peut savoir? Peut-être qu'il n'est pas du tout féroce. Il pourrait même être doux et même affectueux. Où t'es allé chercher de pareilles conneries? Vous avez un M16. N'importe quoi, mais tout automatique. Tout automatique, c'est illégal. Et il faut 7 jours pour avoir l'autorisation d'achat d'une arme de poing. Si vous voulez une arme tout de suite, il vous faut prendre une carabine ou un fusil. Avec lunettes de nuit, vous avez? Donnez-moi la plus grosse que vous ayez. Eh bien, nous avons divers modèles de gros calibres, de très très gros calibres. Malheureusement, on n'a plus de munitions pour ces calibres. À qui le tour? Et vous ne savez pas? On vient d'apercevoir cette créature à moins de 100 mètres de chez moi il y a une heure. Où habitez-vous? Pourquoi? Pour les munitions. Où habitez-vous? 24 Devon Drive. Où l'a-t-on aperçu? À l'angle des rues Maple et Ogilvy. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Alors... Alors moi j'ai trouvé tout de suite évidemment, et je vais même te dire un truc, c'est la voix de Patrick Préjean qu'on entend. Oui, ouais, c'est Patrick vrai. Préjean qui c'est fait la voix. C'est la voix de Patrick Préjean. Et on peut dire que, allez, un indice, il y a une publicité sur le PQ actuellement. Oui, exact. Qui fait penser à ce ah, film. Ah ouais, bah, chez quelle pub, mais pas quelle pub. Eh voilà, voilà, mais si c'est clair, voilà. Et en fait ça me faisait plaisir de réentendre la voix de Patrick Préjean justement. Oui. Que vous connaissez, hein, c'est un acteur oui. français. Ouais, alors je sais pas s'il existe encore, tiens justement. Mais, Patrick Préjean, il me semble qu'il est décédé, de... mais enfin, oh, je sais jamais pas. Fait de. Non, pas spécialement. Non, non. Je crois qu'on l'a vu beaucoup dans des feuilletons, mais ouais. On reconnaît bien sa c'est voix. C'est pas mal de feuilletons et des seconds rôles. Après. Ouais, ouais. Ouais. C'est un peu le Luc Hamet en fait de. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Un peu pareil. Ouais. Ouais. Ouais, Luc Hamet qui faisait à l'époque, c'était Anna Barbera Ding Dong. Sur France 2. Ah, il présentait, ouais, c'est vrai. Il c'est a présenté vrai. À un moment. Les Looney Tunes et tout ça. C'est aussi, ça, à l'époque tout aussi. Ce qui était Looney Tunes, et il faisait beaucoup de voix, justement, et c'est lui qui faisait la voix de Roger Rabbit. Mmh. Et je vois aussi, effectivement, que. Alors, à l'informatique, a très certainement trouvé la réponse. Bah ouais. Mais oui, ouais. Bah oui, mais oui, mais c'est. Alors, soit il a trouvé grâce à Internet, soit. C'est pas le nom d'un animal qui vit en montagne. Oui, effectivement, oh, yeah. En montagne, en forêt. Ouais. Ouais, le surnom, c'est... attention. Oui, oui. Ouais, le surnom, enfin... Ah bah, bah je pense c'est, que j'ai c'est l'un des surnoms, parce qu'il y a plusieurs noms là-dedans. Alors, je vais vous passer un autre extrait qu'on entend dans le film, écoutez bien. Mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum. Alors oui, alors c'est étonnant tiens, quand les, ah oui, parce qu'en fait, mais ça passe en fait à un moment dans la télé. Parce qu'ils regardent ça en fait. Donc oui, forcément, j'aurais dû le passer en premier, vous seriez parti tout de suite sur la famille Addams. Oui, c'est vrai. J'aurais peut-être pu de faire comme ça, mais bon, je me suis dit, je vais être sympa. Et je pensais pas que tu l'aurais trouvé dès le premier indice, en fait. Si, mais je pense que c'est la voix de Patrick Préjean qui m'a mis sur la voix. Ah, peut-être, oui, effectivement. Et d'ailleurs, donc à l'informatique, nous précise que Patrick Préjean a 73 ans, 73 ans. Ah, bah voilà, donc ouais, voilà. Effectivement, il est pas décédé, hein. Mais je pense qu'il fait encore pas mal de théâtre, par contre. Ouais. Et d'ailleurs, je profite au passage théâtre. Pour faire un petit coucou à Johnny. C'est vrai. Johnny, si tu nous écoutes. Et à Bernard, maintenant, en fait, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ah oui. Bernard. Oui, ouais. C'est non, juste, non, je plaisante, mais non. Mais non. Eh ben, s'il faut, je passerai une chanson de Bernard Tapie, après. Ben, il n'en fait qu'une. Ben, justement. Ouais. Ah, et mon portable, il dit non. Alors, donc, je vais vous donner des noms d'acteurs. Donc, il y a M. Emmett Walsh, Bill... Ontiverus, Joshua Rudoy, Lenny Kazan, Margaret Langrick, David Suchet qu'on connaît plus pour son rôle de Hercule Poirot. Mm-hmm. Heureusement que Kazan n'est pas là. Hein. Ouais, parce que... Suchet. Ah bah ouais. Ah bah oui. Hercule Poirot, celui avec sa petite moustache. C'est ça, ouais. D'accord, le feuilleton en fait. Ouais, tous les petits feuilletons qu'ils ont fait sur Hercule Poirot, garnis. C'est David Suchet. Ah d'accord. Don Ameche. Alors Don Ameche, c'était l'un des deux vieux dans Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy, qui donne en fait le défi de le déclochardiser pour le faire passer dans les hautes sphères de la finance. Ouais, j'ai dit Beta Mesh, mais pas. Beta Mesh. Ah oui, je connais Beta Mesh. Tu connais c'est pas Beta Mesh? Beta Mesh, c'est le. Bon, non, ah si, c'est le prince chouette. Des Minimoy. Celui qui a la petite... C'est pas très radiophonique. Celui qui a ouais, la petite... c'est une sorte de boule ah, oui. Couteau suisse. D'accord. Ouais. Non, ça me dit rien du tout. Il y a également Melinda Dillon, Kevin Peter Hall, et l'acteur principal, c'est John Lithgow. John Lithgow qu'on a pu voir dans Dexter. Ah ouais, dans Footloose. Ah, dans Footloose, ouais. Exact, ouais. Je crois que c'est lui qui fait le prêtre. Le prêtre, ouais, bien sûr, dans Footloose. Ouais. Et plus récemment, donc, dans la série Dexter, c'était l'un des grands méchants, je crois, de la saison 4 ou 5. Il a une figure, une tête emblématique, en fait. C'est le genre de personnage qu'on reconnaît, mais on reconnaît pas forcément son nom et son prénom. C'est ça. Mais, c'est vrai, je vois qui c'est, bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Et Kevin Peter Hall, si Cannon avait été là, lui, il le connaît. Ouais. Il le connaît parce qu'il l'a déjà vu et j'en ai déjà parlé. Pourquoi il joue du Moog ? Non, pas il joue pas du Moog. Non, non, non, non. Alors je vais vous passer un troisième extrait, écoutez bien. George ! Qu'est-ce que tu veux ? Sarah n'entre pas ici ! Oh, mais quelle horreur ! Qu'est-ce que ça sent mauvais ! Nancy, alors, remue-toi. J'ai une idée. Oui, c'est ça, bien. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Bon sang. C'est une idée géniale. Allez, viens, on y part tout de suite. J'arrive. Viens, Sarah. Maman, ma fleur. Oh, mon orchidée. Il est en train de manger mon cadeau d'anniversaire. J'avais envie de conserver cette fleur pour le reste de ma vie. Et toi, tu la manges. Je me fiche que tu sois grand et laid et que tu pues. Mais il n'est pas question que tu continues à manger des orchidées. Tu as été vilain, tu as été très très méchant. Sarah, et même si tu n'es qu'un animal, quand on est dans le monde, on ne se conduit pas comme ça. C'est grossier. Ouais, c'est marrant, c'est il parlait pas du tout. Hein, non, non, lui ne parlait pas du tout. Ouais. Si, il dit juste un mot à la fin. D'accord. Il dit quoi? Il dit ok, je crois. Ah, d'accord. Il dit ok, donc c'est pas un grand mot déjà. Ouais. Il va pas les dire anticonstitutionnellement, tu vois. Ouais, non, mais surtout que ce soit pas super intéressant, quoi. C'est vrai. C'est vrai que pour le film, ça n'apporterait rien. Non, à la fin, il fait Onissa. Alors, pour Onissa, tu as vu le film ou tu te doutes de ce dont ça parle? Oui, c'est ça. Flip 4. Du tout. Pas du tout. Eh ben, écoute cet extrait, qu'il donne le nom de la créature en question. Et ça va vous rappeler quelqu'un autour de cette table. Rappelez ce que vous m'aviez dit quand vous étiez à la boutique du musée. Bigfoot peut venir vivre avec nous. Nous en acceptons la responsabilité. Est-ce que vous vous imaginez ce qu'un Bigfoot pourrait faire dans votre maison? Oui, mais moi, je peux l'imaginer. Vous m'êtes sympathique. Je ne vais pas le répéter. Je vais le dire carrément. Et j'espère de tout mon cœur que vous serez très attentif. Il n'y a pas d'abominable homme des neiges. Il n'y a pas de Sasquatch. Il n'y a pas de Bigfoot. Il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ciel, Dieu du ciel. Docteur Wrightwood, dites bonjour à Harry. Harry. Ah oui. Ah, il s'appelle Harry. Excellent. Il s'appelle Harry. Donc, quel joli choix. Eh oui, il s'appelle Harry, effectivement. Tout à l'heure, quand tu avais passé l'avant-dernier extrait sonore, ouais. Je pensais à ça, mais je me disais non, ça doit pas être ça. Mais en fin de compte, si, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Donc, je vais vous demander donc le titre du film. Allez, tous en cœur. Bigfoot, évidemment. Oui, Bigfoot et les Henderson. Ouais. Ah, c'est le titre entier. Okay. Ouais, c'est Bigfoot et les Henderson, effectivement. Et le générique du film était chanté par Joe Cocker et ça s'appelait Love Leaves On. You touch my life and turn my heart around. It seems when I found you, it was me I really found. Il faut vous expliquer pourquoi Onissa est mort de rire. C'est juste que Harry est en train de nous faire une imitation de Joe Cocker. Ah ouais, mais faut avouer qu'il fait. Elle est magnifique. Quand tu chantes, elle est magnifique. Ouais, c'est un peu dommage, bizarre. Franchement, que les auditeurs. C'est vrai, on aurait dû filmer. J'aurais dû faire un. Et vous, un imaginez, Facebook. Écoutez, vous imaginez chanter cette chanson qui est douce et il la chante comme ça. Sérieux, non mais il y a toujours été un peu démantibulé quand tu chantais, un peu bizarre. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Ouais. Effectivement, donc c'est bien Bigfoot et les Henderson. Alors il faut savoir donc que le film effectivement a fait 290 804 entrées au box-office français, c'est pas beaucoup. Non, bah non. Mais ça a beaucoup fonctionné en vidéo après. Ouais, VHS, ouais, carrément. Ça n'a pas fonctionné au cinéma, alors je sais pas pourquoi, si c'est la pub ou si le film m'intéressait pas, bon, pas. Ouais, je sais pas. Franchement, là, j'ai pas trouvé. C'est ouais. Hein. Oui. Non mais en fait, je voulais dire, c'est courant. Dans les années 80, où oui, il y a beaucoup vrai, de films qui ont fait des succès en VHS et pas forcément au cinéma. Et parfois, il y en a qui ont fait des succès au cinéma et pas forcément au VHS. Bah, le premier, Rambo, notamment, n'avait pas fait un succès phénoménal au cinéma. Par contre, en VHS, il s'était très, très bien rattrapé. Bien sûr. Bah, quand on parle, par exemple, de Dirty Dancing, par exemple, c'est un film qui est super bien et qui marche encore mieux en DVD. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, quand même. Ah bah ouais, non, mais c'est énorme, hein, c'est énorme. Alors, il faut savoir que Steven Spielberg était producteur délégué du film. C'est d'ailleurs sa société, donc Amblin, qui est la société de production au même titre qu'Universal. Ah ouais. Donc, on comprend un petit peu l'univers l'univers un petit peu, enfin, j'allais dire féerique, mais ouais, fantastique, ouais. C'est ça. Alors, Kevin Peter Hall, qui joue le rôle de Harry, le Bigfoot, était déjà connu des fans de la série Super Minds. Misfits of Science, dont j'avais parlé, c'était une de mes séries préférées quand j'étais petit. Ah oui, t'en avais pas. Notamment avec celle qui jouait dans Friends aussi. Comment elle s'appelle ? Aniston. La brune. Non, l'autre. Celle qui jouait Monica, ouais. Enfin bref. Je sais pas. Il est mort le chat, c'est ça ? Non, c'est pas celle-là, non, c'est pas Phoebe. D'accord, je connais les noms des personnages, mais je sais plus leur. Courtney Cox, voilà. Et Courtney Cox avait commencé dans Superminds. D'accord. Alors, c'est en effet lui qui joue le rôle du docteur Elvin Lincoln, le grand black qui rapetisse en appuyant sur sa nuque. C'est également lui qui se glissa sous le costume du Predator avec Schwarzenegger. Ah ouais. Et ouais. Et alors, à la base, c'était Jean-Claude Van Damme qui avait été pressenti. Alors c'est Jean-Claude Van Damme qui avait été pressenti pour se glisser dans la peau du Predator. Et Van Damme pensait qu'on l'aurait vu à l'écran, qu'il aurait pu faire du kung-fu et tout ça. Ah ouais. En fait, on lui a dit non, t'es juste là pour faire en gros le cascadeur, quoi. Oui, bien sûr. Donc il a pas aimé du tout et il a claqué la porte. Et il a été remplacé par Kevin Peter Hall. D'accord. Alors, pendant le maquillage, la taille déjà immense de Kevin Peter Hall, il faut savoir qu'il mesurait 2m20. Ah ouais, 2m20, a été porté à plus de 8 pieds, soit 2m43. Bah, comment c'est possible ? Bah, avec la tête qui est plus haute et tout ça. Donc, et le talon. Je sais pas s'il avait des hauts talons, mais avec les grands pieds, à mon avis, il devait y avoir peut-être des cales sous les pieds ou des choses comme ça. Donc, ceci est mis en évidence par John Lithgow, qui est à 6 pieds 4, ce qui équivaut à 1m95. Donc, il est déjà grand, lui, comme acteur. Ah, lui aussi ? Ah ouais, lui, il est déjà à 1m95. Et en fait, Kevin Peter Hall faisait 2m20. Ils ont encore augmenté avec le costume à 2m43. Ça se voit fort déjà qu'il est très très grand quand il est à côté de Bigfoot. Alors, une suite aurait vu des Hendersons se réunir avec Harry. Dans les opinions de certains fans, la série télévisée basée sur le film, parce qu'il y a eu une série qui est sortie qui s'appelait Harry et les Hendersons, qui passait justement pendant le Club Dorothée les après-midi. La série télévisée basée sur le film aurait pu être une alternative en explorant ce qui serait arrivé à Harry s'il ne revenait jamais à sa famille, donc à la fin du film. Je vous ai spoilé la fin du film, désolé. Et qui décidait de rester chez les Henderson. Ensuite, le costume du Sasquatch, ou du Bigfoot, parce que c'est l'un des deux noms du Bigfoot, a été conçu en poil de yak. Et il faut savoir qu'il y avait un système de réfrigération qui était installé à l'intérieur afin d'éviter l'étouffement. Ah oui, carrément. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont scruté le film et un autre film qui s'appelle L'Arme Fatale 2. Oui. Et ils ont trouvé des similitudes entre ces deux films, notamment avec la voiture des Henderson et la voiture de Roger Murtoff. D'accord. Qui est joué par Danny Glover. Alors, la voiture d'Henderson subit de lourds dégâts frontaux, y compris la perte du pare-choc avant et du phare côté conducteur, des dommages au toit à cause de la tête d'Harry, la perte de la porte arrière côté conducteur et des griffes sur la peinture en deux parties après la course sur l'autoroute. Finalement, elle est volée par Jacques. Ceci est quasi similaire, volontairement ou pas, au dommage infligé à la voiture de Murtoff dans L'Arme Fatale 2. Il subit de lourds dégâts avant, y compris la perte du pare-choc. Ouais. Pareil, hein. Bon, enfin, ça devient débile. Enfin. Là, donc, pareil pour le phare côté passager. Bon, l'autre, c'était côté conducteur. Je vois pas le rapport, mais... À l'arrière, la porte côté conducteur est arrachée, le toit est endommagé en toilette volante, les deux côtés sont raclés le long d'une rampe de pont, et le véhicule est finalement volé. La seule différence, c'est que le pare-brise est également enlevé sur la voiture de Murtoff. Mais c'est quand même assez déroutant, surtout que les films sont pas sortis la même année. Je crois qu'il est sorti 2 ans avant. Mais je j'arrive pas à comprendre, parce que oui, il y a des similitudes, mais j'imagine aussi dans les dialogues, dans les deux, ils disent bonjour, mais bon. Ouais, mais bon, là c'est surtout sur le nombre en fait d'impact que la voiture a subi tout au long du film, on les retrouve. Chercher hein, quand même. Ouais. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai cherché, j'ai pas regardé les deux films pour vérifier ouais, hein, quand voilà. même, mais voilà. D'accord. Mais il y en a qui se sont amusés à aller regarder ou qui se sont dit tiens, j'ai vu ce film, il y avait autant de trucs. Voilà. Donc Bigfoot. Et Bigfoot, il faut savoir la différence en fait. Bon, déjà le Sasquatch, c'est le nom qui est donné au Yeti américain. Ouais, le Bigfoot, c'est celui qui est donné le plus couramment aux States. D'accord. Mais c'est l'équivalent. Et on sait d'où il vient alors Bigfoot? Ben normalement, c'est en gros ce qu'on appelle le chaînon manquant un peu. Entre le singe et l'homme. Mmh. Alors bon, au Tibet, ils appellent ça le Yeti, parce ouais. qu'il vit dans les montagnes. Ouais, voilà. Le Sasquatch, c'est par rapport aux Indiens. Les Indiens oui. l'appellent Sasquatch. Mais c'est vrai que ben, aux États-Unis, ils l'appellent le Bigfoot. Mmh. Donc bon, ils n'ont jamais trouvé de Bigfoot, ils ont toujours trouvé des empreintes. Enfin, y a des vidéos contestables, ouais. on va dire. Il y a des émissions, qui... notamment, ouais. qui essayent de voir si oui. c'est... un mythe ou une réalité. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ce qu'ils appellent c'est les Mythbusters. Mythbusters qui est une émission américaine qui regarde un petit peu tous les mythes, les ovnis et tout ça, qui vont faire des investigations. En fait, hein, les vidéos. Et c'est ça. De voir s'il y a moyen de prouver que c'est un fake ou pas, voir si c'est, on peut recréer la vidéo et à partir de là dire bon, ben celle-là c'est un fake. Et il arrive que sur certaines vidéos, ben non, il s'avère que c'est impossible. Donc la vidéo s'avère. Donc le Yeti existe alors. Il y a des vidéos qui ont, pas. Qui ont été passées au crible. Enfin, ceci dit, maintenant, avec toutes les technologies qu'on non, a, il y a beaucoup de vraiment, choses qu'on n'arrive pas à prouver. C'est ça le problème, les gens, tant qu'on ne leur apporte pas la preuve matérielle sur la table. Il y a eu une époque, hein, dans la même lignée, ce qu'on appelait l'homme pongoïde. Pardon. C'était, pongoïde. Pongoïde. C'était une race en dehors de l'homme de Néandertal et avant l'homo sapiens qui a été retrouvé dans un glacier complètement intact. Et le corps qui était conservé dans la glace, c'est dans un sarcophage réfrigéré, mmh. avec une surface vitrée, a été exposé, exhibé pendant très longtemps, et on a perdu ses traces il y a une bonne cinquantaine d'années. On ne sait pas ce qui est devenu, mais ça a été une preuve tangible et supplémentaire. Pongoïde. Pongoïde, ouais. Et on a perdu la trace du... Mais il y a bien, on voit des photos d'époque, noir et blanc. Ah oui, donc ils n'ont pas pu travailler dessus. Mais on ne sait pas ce qui est devenu... non, voilà. Mais c'est toujours comme ça, c'est le problème, c'est que bon, quand on s'intéresse, moi-même je m'intéresse beaucoup au surnaturel, les ésotérismes, je suis passionné par les ovnis, voilà, la médiumnité de ça. Quand on voit ta meuf, on comprend, ouais. Tu es passionné par les extraterrestres. Il y en a une au moins. Ouais, et puis je ne sais pas de laquelle tu parles. voilà. C'est le cas de trois bras et... Non, mais ça ne m'empêche pas d'avoir les pieds sur terre, Julien, c'est pas parce que je vois... Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas parce qu'il a la tête dans les étoiles. Bien. Sur YouTube, il y a plein, tu tapes UFO, il y a plein de trucs, mais alors c'est toujours... Il y a énormément de fakes, parce qu'il y en a qui se démerdent très bien faire ça sur ordinateur. Mais je veux dire, c'est pas pourtant que je prends ça pour argent comptant. Non, mais bien sûr. Je suis premier à regarder ça d'un œil critique. Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai que mais ça bon. Interpelle. Bah, le surnaturel, c'est ça. Le surnaturel, c'est... Si c'est naturel, c'est que c'est explicable. Ben, à ce moment-là, il n'y a plus rien de surnaturel. Non, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Et on a d'accord. peur que de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Et c'est ça le... Mm-hmm. Et beaucoup de gens sont comme ça, Thomas, il leur faut des preuves. Il y a des gens qui ont vécu des choses, on va repartir sur des lieux hantés, des manoirs, des choses comme ça, qui ont vécu des choses qui les ont fait revenir sur leur opinion, qui, au départ, n'y croyaient pas du tout. Pour eux, c'était même pas la peine de leur en parler, d'essayer de les convaincre. Par contre, il a fallu qu'ils soient confrontés à une expérience qui les a plus que troublés pour dire, ben, j'admets qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà. C'est possible, effectivement, je suis aussi... Qu'on n'est pas seul, mais bien sûr. Mais c'est parce que ce sont des choses qui nous dépassent, hein. C'est parce que bon, on raisonne beaucoup avec des... On est cartésien. On est hyper cartésien. Bien sûr. Mais on serait étonné de ce que... Il y a des gens qui en sont capables d'exploiter d'autres parties de leur cerveau, des facultés comme la télékinésie, agir sur la matière, hein. Mm-hmm. Le plus célèbre, c'était Yuri Geller, qui simplement arrivait à tendre une fourchette rien qu'en passant son doigt. Et ces gens-là, on les a pour essayer justement de les coincer. Il y a un autre homme, hein, que Yuri Geller, qui l'a fait. On a mis des petites barres d'aluminium dans un tube, genre un tube à éprouvette scellé. Mm-hmm. Donc, ils ne pouvaient pas agir, les tordre. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils arrivaient à les tordre, même en les prenant entre ses deux doigts. Et tout simplement, ben non, en agissant sur... Mais il se met en condition. En conjonction avec le... En fait, il arrive à communiquer avec la matière, en fait. À se mettre en symbiose avec la matière. Wow. Et à partir de là, de son esprit... Pas, arrive, quand oui. tu t'intéresses, c'est vachement... Et que Yuri Geller, par contre, ça a été prouvé que c'était un imposteur. Alors, oui et non. Il y a eu des choses, mais quand on a... Quand on a voulu effectivement prouver, lui faire faire d'autres expériences un petit peu plus péchues, il a pas été capable. Mais oui, il y a des gens qui sont... Et ce gars-là, donc les petites barrettes d'aluminium dans le tube, ça a été filmé, donc en live, on voyait bien, les barrettes étaient cintrées dans le tube. Donc là, il n'y a pas de... Il paraît qu'on utilise qu'une dizaine de pourcents de notre cerveau. Ah, mais on n'a pas exploré, ça c'est le rêve des êtres humains, ça. C'est possible, effectivement. C'est très intéressant. Mais alors, vous voyez, on est passé de Bigfoot au surnaturel. Quand ouais, même. Oui, mais merci voilà. Sherlock, quand même. C'était vachement. Ouais, en tout cas, merci à toi. C'était un rappel de bons souvenirs. Je suis contente. Eh bien, on va se faire une petite coupure musicale. Oui, alors avec Eight Wonders et Cross My Heart. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec Dan Harrow et Future Brain. Alors, moi, un petit coucou à Sophie qui est alité, qui nous écoute, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Mm-hmm. Mais elle a de la chance. Et un petit coucou à Johnny qui est alité. Excuse-moi, mais il ne me viendrait pas à l'idée de sortir des blagues comme ça, moi. Hein. Ouais. D'ailleurs, on salue Johnny au passage. C'est ça, ouais. C'est quoi. Bon, allez, et Wonder, c'est avec Patty Kensit. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Bon, regarde ça pendant la coupure musicale. Allez, c'est parti. Talking away. all the details you want to know. Day after day, all your memories get to grow. Putting all that you've stolen in a prison that you've locked forever. Taking the place of our imagination, but you won't erase my heart. There is no way you can understand what I feel. You never pray, 'cause your soul isn't even real. You might know lots of things now, but you can never be a lover. Winning the race with your information, but you can't replace my soul. Future brain, you make me wonder, is it sane to make a sample of my love? Future brain, you're getting stronger, it's a shame you'll never know how to find love. Future Brain de Dan Harrow. Bah écoute, voilà. C'était pas la plus connue. Hein. Non. Alors la plus connue, ça doit être celle-ci, c'est Don't Break My Heart, ça faisait ça. Ah ouais. Attends, je vais avancer un peu. Ah oui. Voilà, c'est vrai qu'elle est un peu plus connue. Ouais, c'est clair. Voilà. T'as la vache pour convaincre. Non, mais bon, c'est tout. Je veux dire, c'est, bon, il est passé inaperçu. C'est peut-être un One Hit Wonder. Non bah, c'est, peut-être que c'est. Ouais, c'est bien parti pour. Ah, bah oui, et justement, ça tombe bien. Belle transition. Ouais, pour annoncer la chronique de notre ami Flip Cat. Yeah. Ils t'ont bien introduit quand même. Hein. Le jeu de mots. Allez, c'est parti. Non mais c'est vrai que le titre ça me dit rien. Blue must run round. Let take the time. But the second time. Vous êtes pas les loulous. Oh là. Non, non, non, les loulous. Wap, wap, wap. Alors comme je disais tout à l'heure, ben je vais continuer dans la. Ouais. Il y avait longtemps. Ça t'avait manqué quand même. Pas du tout. Bah non. Nous oui. Ouais ça je me doute. Mais vous inquiétez pas, je vais me charger de votre cas individuellement. Je trouve un petit. Bah tu vas pas louper tout à l'heure, c'est bon quoi. Allez, bon. Gentiment. Et donc rappelle-nous un peu donc c'est les One. Alors les One Hit Wonders, mais en fait tout simplement sont des gens qui ont, je pense un petit peu sans le savoir, déboulé dans une carrière artistique en faisant un single, ouais. Et cartonné qui est devenu un hit. National et parfois plus que ça, puisque je pense que contre leur propre attente, c'est devenu un hit international. Ça avait été le cas, j'avais démarré avec un premier groupe avec Nena, oui. Et Nine Unknown Siege Love Balloons. Alors, était... justement, je t'avais posé la question, ouais. Mais je ne me rappelle plus la réponse. Mais les One Hit Wonders, ce sont des gens qui ont fait un seul succès, ouais, dans même... le monde entier, mais chez eux, localement, s'ils ont. Ouais, non, pareil, ben, Nena, c'était un peu pareil. Ouais. Des titres qui avaient eu un peu plus de succès avant le fameux titre Nine Unknown Siege Love Balloons, par chez elle, puisque je chante en allemand, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas percé, elle n'a fait qu'un album d'ailleurs, et puis ben, basta quoi. Ouais. Voilà. Hein, je crois que c'était 86 d'ailleurs. Donc les One Hit Wonders, en fait, c'est un peu ça, sont des gens, je pense, qui. Bon malgré une sortie d'album, je vous parlerai déjà un autre artiste en vue pour la semaine prochaine, qui a fait. Quand même 4 singles issus du même album qui n'ont pas été franchement de la même trempe que le titre en question. Mais d'accord. Je ne vais pas vous en dire plus, ce sera pour la semaine prochaine. Donc en fait, ben voilà. Alors je pense que ce sont des gens qui, sur le moment, ben, profitent, tiens, ils ont une opportunité parce qu'ils ont envie de s'essayer et contre toute attente font un hit, un carton. Et puis ben, pour le reste, alors soit parce qu'ils ne se donnent pas pleinement les moyens de continuer sur la lancée, je ne sais pas, et puis qu'ils passent à côté de certaines choses très, très certainement. Enfin voilà. C'est voilà ce que donc on peut le dire, Patrick Hernandez a été one hit. Ah oui. C'est parce qu'il ne rentre pas dans le cas des années 80, c'était le premier qui m'était venu à l'esprit. Ouais. C'est un des plus bels exemples, notamment pour nous franco-belges qui connaissons très bien En plus mon chrono hein, donc Sabrina, voilà, voilà. Pareil, Sabrina Boys c'est vrai. C'est aussi ouais, alors je l'ai pas vu dans parce qu'elle n'est elle est de quelle nationalité, elle est pas italienne. Ah oui, italienne peut-être alors. Mais j'ai trouvé même d'autres noms de groupes contre toute attente. C'est vrai qu'à la limite, on se dit, tiens, c'est vrai, on aurait imaginé qu'ils sont sortis. Je vous parlerai, ben, je vais vous dire par exemple, entre autres dans les projets, j'ai vu par exemple, si je vous dis Soft Cell. Oui, bien sûr. Ouais. Tainted Love. Ouais. On s'imagine, c'est vrai qu'ils ont fait une carrière à peu près à la hauteur, ou tout au moins juste derrière avec Depeche Mode, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai écouté les autres titres. Ça ne parle pas. Si, il y en a un autre de Marc Almond, mais oui, qui a fait carrière solo. Attention, ouais, qui a fait carrière solo, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et qui a fait également un duo avec Jimmy Somerville, il me semble. C'est possible. Ouais. Mais ils étaient liés, je crois, avec Jimmy Somerville. Absolument, il y avait une collaboration, je l'ai lu cet après-midi. Donc voilà, alors c'est un petit peu délicat. Je pense que le plus bel exemple, pour l'instant, c'est la chronique de la semaine dernière avec le groupe Mars, issu d'une réunion très éphémère. C'était annoncé avant même l'entrée en studio de deux groupes issus du même label anglais. Hein. Uh-huh. Et en fin de compte, il s'est avéré qu'ils étaient totalement incompatibles pour travailler ensemble parce que chacun voulait faire à sa sauce au niveau de la manière de travailler, de concevoir et d'enregistrer. Tant et si bien que le groupe ils se sont croisés dans les studios, mais on fait les séances d'enregistrement et les mixages, mais totalement chacun de leur côté. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ils sont, apparemment, de ce que j'ai pu lire, ils n'ont même pas assisté au mixage final du truc, puisque c'est encore un DJ qui a rajouté quelques trucs, ce qu'on appelle les scratchs, tout ça. Voilà. Ouais. Donc là, c'est le plus bel exemple parce que, oui, effectivement, le disque, il n'y a même pas eu de face B. Quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi la même chose de Grauzon ? Deux. Grauzon ? Ich weiß nicht. Iceberg. Ah, ja. Iceberg, oui. Iceberg, ouais, probablement. Un titre, mais voilà, qui a marché du feu de Dieu. Ouais. Et après, celui-là. Ouais, c'est juste. La Roche-Valmont. Oui. Oh. Oui, alors il y a. Le Loup Coco, il a fait que ça. Oui, c'est vrai. Petite français, oui. Donc voilà un petit peu pour redéfinir les Hit Wonders. Ouais, en fait. D'accord. Et c'est vrai que ce sont des gens, même parfois, qui persistent à faire d'autres albums et qui, les albums, restent vraiment tombent en désuétude. À part peut-être par les gens qui sont devenus fans du chanteur du groupe, mais qui ne sont pas des trucs qui cartonnent, sinon ça se serait su. Il y aurait même, je suppose, à l'époque, on faisait encore des singles qui ont dû passer sur les ondes, qui ont été classés dans les charts, ce qui n'a pas été le cas. Donc ben là, ce soir, je vais vous prendre un exemple. Alors, là aussi, le nom du chanteur, je vous le dis, il est britannique, ça ne vous dira rien du tout. parce que même Sherlock, ça lui disait trop rien. Mm-hmm. Le titre, peut-être un petit peu plus, John Halliwell. Ah non. Stop the Cavalry. Mmh. Moi, le titre me disait quelque chose, Stop mais the Cavalry. Même pas, même. Alors, avant de le passer, puisque, bon, évidemment, je n'ai qu'un titre, hein, j'ai pas de sa discographie. C'est la chronique la plus courte. Oui, oui, bah, comme la fois dernière, non, mais je tiens à préciser. C'est sûr. Que c'est pas la peine de pêcher avant, il a rien fait avant. Mmh. Hein, donc voilà. En fait, c'était une chanson qui était écrite, donc, et composée et interprétée par le chanteur britannique John Halliwell, qui est sorti en single en novembre 80, donc un bon mois avant Noël. Et donc, elle est incluse dans un album qui s'appelle donc Earth Skips a Beat. Non, voilà. Qui veut dire ? Alors, je t'avoue que j'ai difficulté à le traduire. J'ai pas pensé à le regarder au niveau des. Ah, Earth, c'est le cœur. Oui. Hein, ça peut être la Terre. Skip, ça peut être. C'est Earth ou Earth ? Earth. Ah, donc la Terre. Ouais. Pardon. Oui. oui. Bon, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es fatigué, Flipkat ? On va dire ça. Ouais. Donc, voilà. Et là, l'album, par contre, est sorti 2 années après, seulement. Ah ouais, ce qui fait qu'il y a eu il y a eu quand même un sacré écart entre le single qui est sorti en 1980. En fait, la chanson, elle avait la particularité d'associer deux styles de musique. Une musique de synthétiseur avec une fanfare. Ah et ouais. Quand tu vas entendre le morceau, tu vas dire oui, ben oui, je me souviens. Et c'est et effectivement. Et synthétiseur et fanfare, et ça se marie très bien. Ah ouais. Et c'est devenu rapidement un succès en Europe, se classant en tête des ventes dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, bien entendu, hein, de où le chanteur était issu. Et il a atteint la 3e place des charts et a été certifié d'ailleurs à l'époque disque d'or très rapidement. Ok. Voilà. Il faut savoir que le disque d'or, c'était 500 000 titres vendus quand même. Avec les médias de l'époque, donc on ne parlait pas encore de l'internet, c'était du single, enfin voilà. Et donc le disque est devenu très rapidement une chanson de Noël, malgré qu'à l'origine de sa conception, c'est pas ce que le chanteur voulait. Alors on va peut-être vous la passer. Ouais, on va peut-être arrêter de. Oui, ça m'interpelle. Parce bon, on s'écoute ça. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Mais moi j'étais persuadé en entendant ça, parce que c'est vrai que c'est connu. Oui. Alors je vais dire une grosse bêtise, mais je pensais que c'était Madness. Non, mais je t'ai dit, je te donne pas tort, parce que à partir de 82, Madness a décroché un peu du ska, originel, pour faire un peu plus, pas de la variété, mais du pop. Mm-hmm. Cela dit, avec de très bons morceaux encore. Et c'est vrai que je peux te l'accorder, on pourrait penser pour les gens qui mais si c'est vrai que c'est connu, alors rappelle-nous le nom du chanteur. John Halliwell. Alors justement, tu le disais hors antenne, c'est qu'on pourrait, a priori, c'est pour ça que le disque est venu à point en fait, un mois avant Noël, sa sortie novembre 80, il n'était pas destiné quand il l'avait écrit à devenir un chant de Noël, parce que je vais expliquer un petit peu le contexte, c'est très intéressant, il faut voir le clip aussi, et ça donc je le comprenais très bien. Mais en fin de compte, tout ça est venu à point. C'est un concours de circonstances. Un concours de circonstances parce que, je vais l'expliquer, je ne vais pas tout dire là à l'instant l'antenne. Et donc, ça a été pris comme chant de Noël. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'instrumentation, ça a été retravaillé avec des sonorités, des instruments, je vais expliquer un petit peu. Parce que donc, selon John Halliwell, l'intention n'était pas de faire un chant de Noël du tout, mais une chanson anti-guerre. Et c'est pour ça que je remettrai, même s'il faut le clip en lien, c'est très intéressant, avec de très belles images, c'est une très belle réalisation. On voit le chanteur d'ailleurs jouer en tant que soldat, hein, dans les tranchées. Alors il a écrit les paroles en ayant en tête la phrase « Can you end the gallantry ?» Pouvez-vous arrêter la gallantry en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc ça, ce sont ses propres textes à l'origine, mais qu'il a rapidement changé pour transformer ça en Can you stop the cavalry. D'accord. Pouvez-vous arrêter la cavalerie ? Donc les charges héroïques, ce qu'on entend là, là à l'instant. C'est vrai. Et donc, ce qui l'a amené à penser à la charge de la brigade légère durant la guerre de Crimée. Alors, il a ensuite imaginé une histoire inspirée par plusieurs guerres de différentes époques. C'est pour ça que c'est assez confusant dans le clip. On voit ce qui correspondrait plus à une ambiance de guerre 14-18 avec les tranchées. Mmh. Hein, les soldats qui sortent des tranchées pour partir à l'assaut contre les Allemands. Hein, et des images de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a donc en fait imaginé, en faisant un mix de plusieurs scènes de guerre, hein, et donné des images du soldat fatigué des combats incessants, qui se rêve soit de retour chez lui auprès de sa bien-aimée à Noël, soit de vainqueur d'une importante élection et ordonnant l'arrêt des charges de cavalerie. Voilà. Et en fait, dans le clip, et c'est ce qu'on entend bien au début, il mentionne Winston Churchill, hein, pour les Anglais. Mm-hmm. Le soldat interpelle Winston Churchill au début de la chanson. Il est aussi question d'une zone de retombée radioactive. Donc là, on va loin, on est plus sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, ouais, avec la première bombe atomique lancée par les Américains en août 1945. Hein, qui reflète la crainte d'un conflit nucléaire suscité par le regain de tension entre les blocs de l'Ouest et le bloc de l'Est, hein, bloc de l'Ouest et de l'Est, au début des années 80. Alors l'évocation de Noël, elle ne tient seulement en une phrase dans la chanson quand on l'entend dire « Wish I was at home for Christmas ». En fait, c'est « J'aimerais être chez moi pour Noël », en fait, un souhait. Hein, souligné par l'utilisation d'un carillon tubulaire et de grelots. Alors la musique entraînante de fanfare et le moment de la sortie du single étaient autant d'éléments favorables pour faire de la chanson un succès des fêtes de fin d'année au Royaume-Uni. Voilà, c'est ce que je disais, donc c'est tombé à point. Je sais pas si ça a été vraiment calculé. Lui, dans son esprit, c'était ça. Mm-hmm. Et je pense que ça reflète bien la vie d'un soldat, comme les soldats de la guerre 14-18 qui ont passé Noël sur le front, avec le très beau film d'ailleurs avec Danny Boone, Joyeux Noël, oui, qui ont passé Noël sur le front, dans les tranchées. Donc en fait, je pense que c'est tout ça qui s'est mis en tête. Il a fait un mix de tout ça, et ça, franchement, c'était... Je crois que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un concours de circonstances. Il est arrivé à un moment où, c'est des musiques... c'est vrai que c'est teinté sonorité de Noël. Quoi. Ouais, mais voilà, tout à fait. Et c'était pas le but, quand on voit de quoi est partie l'idée, en fait. Hein. Stop de galanterie, la galanterie, en fait, on parle pas de cavalerie, mm-hmm, qu'il a transformé lui-même de son propre texte, hein, à l'origine. En fait, il est parti d'une idée, puis je pense que ça fuse un petit peu dans tous les sens. Et oui, c'est une très belle synthèse, en fait. Et qu'est-ce qu'il est devenu, alors, ce chanteur ? Il ne fait plus rien. D'accord. Non. Il n'a pas de... Je n'ai pas trouvé de collaboration. Donc, rappelle-nous son nom ? Jonah Lewis. Jonah Lewis. Lewis. Oui, alors, Jonah, c'est J-O-N-A. Ouais. Et Lewis, comme Lewis, mais avec un E à la fin. L-E-W-I-E. D'accord. Ouais, c'est voilà. Bon. Qui était inconnu au bataillon auparavant. Il a peut-être voulu arrêter du fait qu'il a fait un titre aux alentours de Noël, ça a été détourné. Si c'est Great Balls of Fire au moment de Pâques, il s'est dit non. Ouais, Great Balls of Fire, qu'on pourrait traduire par les grosses roubignoles de feu. Oui, bah oui. Ah. Oui, évidemment. Canon. Et bien voilà. Il nous manque. Bon, et ben écoute, merci pour donc Jonah Lewis avec Don't Stop the Cavalry. Please stop. No, wait. Stop the cavalry. Can you stop the cavalry? Can you stop the cavalry? Ah, donc évidemment un titre qui est extrêmement connu. Voilà. Extrêmement connu. Et je vais tâcher d'y penser parce qu'il fallait, je l'ai oublié, mais je vais vous mettre le lien avec la vidéo. Ah oui, bah oui, bien sûr, absolument, hein, absolument. Eh ben écoute, merci à toi, Flipkat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale. Bien sûr. Je peux faire la roulette song? Vas-y. Stop. Pourquoi? Attends, il n'y a pas le temps de démarrer. Ah bah si, vas-y, le vert, Casanova. Hein? Voilà, bah, t'as dit stop, allez stop. Le vert, tu l'écris comment? L-E-V-E-R-T, mais alors tout attaché, mais avec un V majuscule. Ah ouais, non, je vois pas du tout. Et Casanova, c'est qui? Casanova. D'accord. Ah, tu t'es foutu de moi la semaine passée. Voilà. Alors on dit ça, tu vas nous faire un petit roulette sang aussi? Stop. Matthew Wilder, Break My Stride. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est bien, ça permet de découvrir d'autres choses. Bah ouais, donc le vert et... Et Matthew Wilder. Écoute, je crois qu'on va être surprise. Surpris. Surprise. Surprise. Allez, c'est parti. Romeo ain't never been friends. Can't you see how much I really love it? Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova, Casanova. another girl like you. I will tell her. Never want another girl like you. Have to say, oh, nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. Radio RQC, c'est Sabine Paturel et vous allez écouter mon nouveau single « Je me fous de tout ». Attention, attention, ça va danser. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je donne des coups, la pantoufle de verre, je la fous au clou. Ah Sabine, Sabine avec « Je me fous de tout ». Voilà, c'est son dernier single, une redécouverte, hein, parce qu'évidemment vous la connaissiez dans, avec j'ai les bêtises. J'ai tout mangé, les chocolats. Bah, ouais, oui, ouais, évidemment, et puis il y a eu aussi la chanson « Le petit moi, bouchon ». Je suis qu'un tout petit bouchon. Que tout plein d'émotions, j'adorais cette chanson. Donc Sabine, qu'on salue au passage, ouais. Qu'on a eu l'occasion d'avoir en interview il y a quelques temps maintenant. Et qui tourne avec le plateau Top 50 d'ailleurs. Hein. Ouais. Je pense que ça tourne encore. Il va encore y avoir Star 80. Ouais, si, ça si. N'en finit plus. Ouais, mais c'est plaisant. C'est de la nostalgie. Ouais, ouais. Et puis ça va être lancé encore plus parce qu'il va y avoir le deuxième qui va sortir comme film le 6 décembre. Oui, oui, ah, oui, génial. Donc, je crois même que la suite. Au mois de décembre, ils sont sur au Zénith de Lille à quelques jours avant ou quelques jours après. Ouais. Ils sont en même temps au Zénith de Lille. Mais j'avoue que moi, je suis quand même assez étonné que ça puisse durer aussi longtemps parce que je pense que ça fait maintenant 10 ans. Que... Mais il y a eu une belle émission il y a 3 semaines. Mm-hmm. C'était chouette, hein. Ça fait plaisir de replonger dans nos souvenirs. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, il faut avouer quelque part, c'est qu'on reste quand même nostalgique de ces années-là. Oui, oui, elles étaient riches. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est curieux, c'est que maintenant, bah, pour remplir des zéniths, c'est pas des quarantenaires ou des cinquantenaires ou des quinquagénaires qui sont dans les salles, c'est aussi des jeunes qui ont c'est très gratteur, très jeunes hein. qui connaissaient même pas les groupes et qui redécouvrent les groupes. Mais c'est parce que les parents ont fait écouter aux enfants. Voilà, bien sûr. C'est la transmission intergénérationnelle. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Et quand moi, j'ai mes filleuls qui ont 17, 15 ans et tout ça, qui connaissent des titres années 80 et qui adorent ça. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est très festif et puis c'est accessible à tout le monde. Mmh. Qu'est-ce qui a marché dans les années 80 ? C'est aussi des paroles un peu rengaines où on dit des choses qu'on dit un peu n'importe quoi parfois aussi. Et puis on retient facilement, quoi. C'est ça. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Non, mais t'imagines quand même. Elle a chanté pour faire une chanson. Bien sûr. Elle avait raison. Et ça marche. Ça marche et la distribution cette année, encore beaucoup de monde des années 80 qui seront présents. Il y aura les incontournables, des François Feldman, des Emily des Images, des Thierry Pastor, ils seront aussi au rendez-vous. Mm-hmm. Et puis il y en aura plein d'autres aussi. Alors je ne sais pas qui va être la tête d'affiche pour cette tournée-là. Je ne sais pas du tout. Là, vrai qu'on regarde, mais effectivement, ce sera. Je sais que c'est au mois de décembre aux Zénith de Lille, il va y avoir effectivement donc la nouvelle saison de Star 80. C'est bien s'ils font une suite là, ça va être chouette. Ouais, c'est une suite. Ouais, ça va se passer à la neige, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Tu vois bien l'esprit. On a eu quelques anecdotes quand même assez croustillantes hein, sur le tournage de Star 80, notamment entre Peter et Sloan. Ils ne savent pas se blairer du tout. Les égos de. On peut le dire, parce que de toute façon, elle s'en cache pas. C'est surtout lui, en fait, qui peut pas la blairer. Oui, il paraît qu'il se prend la tête. Jean-Pierre Savelli, il se prend la tête. Enfin, c'est marrant, d'après les dires de Sloan, alias Chantal Richard, mais il se prend un peu la tête, et puis même un peu plus loin que ça. Mais bon. Et dans le premier film, elle doit lui mettre une baffe. La première fois où on les voit ensemble à l'écran, elle doit lui mettre une baffe. Et en fait, ils ont essayé de faire un peu comme les cascadeurs, c'est-à-dire mettre une claque et l'autre tourne la tête juste au moment où elle le met. Et puis, ça fait le style qu'on met une claque, en fait, ça passait pas du tout à l'écran. Donc, le réalisateur a demandé à ce qu'ils mettent vraiment la baffe. Ah, il a dû faire bonne chère. Et je pense qu'ils ont recommencé la prise 7 ou 8 fois, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'elle nous avait dit. Elle s'est régalée à ce moment-là. Ouais, je pense. Et même plus loin, elle nous a raconté que Jean-Pierre Savelline, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient le blairer, quoi. Oui. Et qu'avec les autres, il y avait une bonne ambiance, et pas forcément avec lui, et qu'il était souvent... Ouais. Mis de côté, ou en tout cas, enfin voilà. C'est ce qu'on s'est laissé entendre. Bon, enfin, ça n'est pas à nous, chroniqueurs de. Bah, si, puisqu'on peut en parler, puisqu'on a l'information de Sloane directement, mais si, parlons-en. De toute façon, elle s'en cache pas, elle ne s'en cache pas. Non, et puis d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir. Ouais, elle prépare un bouquin, effectivement. Elle prépare un bouquin où elle va raconter sa vie, et notamment ses années avec Jean-Pierre Savelli, donc Peter et Sloane. Je peux vous dire que. Ça va pas être. Par contre, c'était hors antenne, enfin, ça n'a pas été enregistré, mais. C'est pas piqué des verres. Ça, on peut pas en parler. Par contre, cela ne nous. Exclusivité au bouquin. Cela ne nous regarde pas. Ouais. Absolument. Même si je me suis laissé entendre dire qu'il ne satisfaisait plus sa femme. Enfin, bon, encore une fois, c'est. Cela ne nous regarde pas. On va laisser le bénéfice du doute. Bah écoute, c'est un peu en avance, mais bon, tu vas peut-être nous donner envie d'aller au Cinoche. Ok, attends, tu me préviens toujours à la dernière minute. C'est pas sympa. Ah, bah on peut meubler hein, si tu veux, y a pas de soucis. Ah, vas-y, allez, vas-y, meuble. Eh ben, on va meubler pour vous dire que. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end ? Alors, ce week-end, moi, je vais animer un baptême. Voilà. Ah, donc tu vas à aucune sortie Non, un peu fatigué quand même. Mal, hein. Mais par contre, en pleine préparation d'un. Enfin, c'est pas un nouveau spectacle, mais en tout cas d'un spectacle qui tourne maintenant depuis 5 ans et qui est présenté par la troupe Évasion. Et d'ailleurs, Canon en fait partie aussi. Hein, et ce spectacle s'intitule donc So Magic. Et il va se jouer donc le 14 et le 15 octobre au CSE de Waterloo. On n'en a pas parlé beaucoup, alors parce qu'effectivement, c'est complet samedi. Donc samedi, c'est complet. Donc c'est la soirée que nous, on appelle prestige avec repas et service à table et soirée cabaret. Yeah, la classe. Voilà, donc c'est complet le samedi. Il reste quelques places le dimanche. Alors le dimanche, on est plus sûr à... sur la thématique du café gourmand. Spectacle, ouais, café gourmand, voilà, c'est ça. Il reste quelques places, je pense qu'il en reste une trentaine. C'est deux spectacles différents ou c'est deux fois le même spectacle? Alors, le spectacle du samedi, c'est quatre parties, et le dimanche, c'est trois. Trois parties, pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, le dimanche, les gens aiment ne pas trop rentrer trop tard. Et ça file plus le samedi, ça va plus vite le samedi que le service, machin, que le dimanche, les gens prennent le temps, il y a les entractes, machin. Mm-hmm. C'est un peu plus compliqué à gérer. Et donc, c'est presque le même spectacle. Hein, voilà, donc c'est si vous voulez vous avoir un peu plus d'informations, pardon, vous allez sur la page Facebook, hein, Troupe Évasion Spectacle. Et donc, le dimanche, c'est le midi ou le soir ? Dimanche, c'est l'après-midi. Ah oui, à 15h. Ça permet voilà, familial, absolument. Quoi. Il y aura d'autres spectacles aussi puisqu'on aura l'occasion aussi de se produire donc, au Zéphyr à M. Voilà, très très belle salle, donc avec le spectacle Paris, on t'aime. Voilà, donc ce sera le 8 février. Ah oui, carrément, c'est une nouvelle salle, encore un autre spectacle. Oui, donc le 8 février. Alors, c'est aussi un spectacle qui a été rodé, hein, puisqu'il a été joué plus d'une dizaine de fois aux États-Unis. Donc, mais là, il sera en français. Donc c'est au Zéphyr donc le 8 février et il y aura aussi donc également donc la toute nouvelle production de la troupe de temps en temps qui s'appelle Quand les stars s'en mêlent et là ce sera donc au mois d'avril au CSE à Waterloo pendant une semaine. Voilà, on fera venir Estelle et toute la troupe pour vous en parler. Et ça va être un spectacle aussi, ou en couleur, ça je peux vous le garantir. Il y aura de tout, il y aura de l'émotion, il y aura du noir, comme je disais. Je ne me rappelais pas, non? Non. Si, on avait fait, je ne sais plus, c'était avec des candidates à Miss Cerzo, je pense, et il y en avait une qui était une black et il y aura des noirs. Oui. On s'était fait un délire là-dessus. Oui, et elle avait joué le jeu, c'était trop marrant, quoi. C'était trop marrant. Donc voilà. Écoute, ça y est, c'est bon, j'ai bien meublé. Oui, c'est bon. T'as acheté tout fait, la cuisine, le salon, la salle à manger, j'ai tout meublé là. Ça fait intéressant. Canon et Piloche, je suis obligé de faire ces bruitages. C'est dingue ça. Je dois tout faire. C'est le bruitage, ça. Ça, c'est Han Solo qui est en train de prendre la princesse Leia. Ouais. Voilà. Il manque le. Voilà. Voilà. Ouais, il faut le voir, hein. Il faut le voir à l'œuvre. Hein. L'entendre, c'est une chose, mais le voir en est une autre. Effectivement. Donc, je vais vous parler des sorties ciné pour demain, donc mercredi pour la Belgique et pour la France. Alors, d'habitude, je fais. J'essaie de trouver 4 sorties. Là, j'en ai pas trouvé 2 pour la France parce que. Ah ouais, c'est pas là. Il n'y a pas grand chose. C'est triste, ouais. C'est assez triste, ouais. Bon, il y en a un qui est sorti en France la semaine dernière qui s'appelle L'un dans l'autre. Qui sort demain donc en Belgique, c'est avec Stéphane de Groot, Louise Bourgoin et Pef notamment. C'est un film de Bruno Chiche. Donc c'est deux couples, Pierre et Aimé, et Eric et Pénélope, qui partagent tous les quatre plusieurs années d'amitié sans nuages. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants. Donc Pénélope est jouée par Louise Bourgoin et Pierre Stéphane de Groot. Qu'est-ce qu'elle est belle, Louise Bourgoin. Ouais, elle est mimi. Moi j'aime bien aussi. Ouais. C'est elle qui faisait la météo, je pense. Oui, sur Canal+, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, la situation devenant intenable, ils décident de rompre, mais après une nuit ultime d'amour passionné, leur sort leur joue un tour. Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l'autre. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Donc, pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l'autre, et c'est le début de complications. Bon, c'est gentil et c'est rigolo, quoi. Ce qui me gêne, c'est que c'est du déjà vu. Enfin, ce type de scénario, là, on se retrouve dans la peau de l'autre. Ouais, c'est vrai. On ne voit pas trop ce qu'il y a d'original. C'est divertissant, on va dire. Allez. Ouais. Mais de gros, j'aime beaucoup. Surtout donc je pense que c'est par rapport à un couple adultère. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui va être le ressort comique un peu du film. Ouais, certainement. Mais de gros, il doit être exceptionnel. Enfin, oui. C'est un sacré... auteur, parce que quand il écrit ce texte, je sais pas s'il professe encore, enfin sur Canal+, il faisait souvent des interventions. Il faisait des interventions, c'était vraiment... Avec des jeux de mots, mais c'était terrible, quoi, très très très puissant. Et puis Louise Bourgoin aussi, très très très puissante. Oui. Dans son style. Ouais. C'est vrai que dans son style, elle était très bien également. Alors, ensuite sort Kingsman, le cercle d'or, avec Taron Egerton, Colin Firth et Channing Tatum. C'est un film de Matthew Vaughn et ça sort en France le 11 octobre. Il n'y a pas Albéry donc, avec Peut-être. Si, mais si, il y a Albéry avec. C'est bien possible. Ouais. J'ai pas tout regardé les acteurs, mais ouais, il est sûrement dedans. Alors, Kingsman, l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d'une puissante organisation alliée prénommée Statesman. Oh. Donc, fondée il y a bien longtemps aux États-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d'élite n'auront d'autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d'un impitoyable ennemi qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice. C'est toujours le même, le même principe. Il y a un grand méchant et puis il est gentil. Hein. Ouais. Mais Kingsman, le premier, j'avais été le voir au cinéma. C'est le numéro 2. Hein. Ça, pour une fois que j'ai vu un film. C'est le numéro 2 et le premier était vraiment très très bien. C'était avec Samuel L. Jackson comme grand méchant. Enfin, un grand méchant, c'était un grand méchant un peu comique, quoi, parce qu'il parlait un petit peu comme ça. Pas avec l'accent ch'ti, autant non. pour moi. Il parlait un peu avec l'accent comme ça. Et c'est assez rigolo à voir, mais par contre, beaucoup, beaucoup d'action, pas mal de gadgets, c'est vraiment des James Bond. Oui, voilà, moderne. J'aime bien. Ouais, James Bond moderne. Avec le parapluie et tout. Ouais, c'est. Ça fait vraiment le britannique, le flegme britannique, tu sais, avec le parapluie, le costume. Dans le premier, oui, c'était le grand méchant, mais il est plus dans le deuxième. D'accord. Mais Colin Firth, qui était déjà dans le premier, joue également dans le deuxième. Et c'est vraiment les espions britanniques haut de gamme. Enfin, c'est vraiment le top du top. La classe. D'accord. Ouais. Et tout plein de gadgets. C'est excellent. Franchement, j'ai vraiment adoré le premier. Je pense que le deuxième est parti sur la même lancée. Ah si, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air bien. Voilà. Ok. Alors j'espère que là, j'ai donné envie aux gens d'aller le voir, parce que franchement... Je t'ai aidé quand même. Hein. C'est vrai. Bon, merci. Rendons à César ce qui est à César. Alors, je vais finir avec Le Petit Spirou, avec Sacha Pinault, Pierre Richard et François Damiens. C'est un film de Nicolas Barry, et donc ça sort également en Belgique demain. Donc c'est Le Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, qui a un destin professionnel tout tracé. Forcément, il doit devenir... Groom. Oui, effectivement. Groom. Donc quand sa mère lui annonce qu'il intégrera dès la rentrée prochaine l'école des Grooms, petit Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe comment, il décide de vivre une aventure extraordinaire. Ouais, j'ai pas vu la bande-annonce, moi, je sais pas. Oui, mais... j'ai vu la bande-annonce, ouais. Je suis pas très fan. Bah, il décide de faire, je pense, le tour du monde, ouais, et ça. Il va leur arriver pas mal d'aventures. Avec l'aide du grand-père. C'est ça, ouais. D'accord, donc Pierre Richard qui joue le rôle d'un, enfin, du grand-père du petit Spirou. D'accord. Ouais, Pierre Richard est un bon acteur, hein, mais après... Oui, mais moi je suis pas fan. Bah, François Damiens, je suis pas fan non plus. Enfin, pas en tant que comédien. C'est ça. Et moi, je l'ai adoré dans les sketchs. Qui fait le rôle de Spirou est exceptionnel. Hein. Mais il ressemble pas à Spirou. Sacha Pinault, effectivement. Non, mais il a l'exfiglerie naturelle de Spirou. C'est la vie de Candy. Bah, c'est un dessin animé, quoi. Enfin, oui, non, mais bien sûr, absolument. Ouais. Eh bien, vous iriez voir quoi? Ah, moi, Kingsman. Comment tu dis? Je sais pas. Kingsman. Ouais, Kingsman. Ah, d'accord, Kingsman. Ah ouais, il y a de l'action, il y a tout, j'adore. D'accord, donc le numéro 2, la suite. Oui, bah, le cercle d'or. Pour une fois, j'ai vu le numéro 1. Ah bah ouais, non, je ne sais même pas. Pour une fois, j'ai vu un film. Ouah, sans grande conviction, le premier, là. Là dans l'autre. Il y en a une qui suit, non? Oui, l'un dans l'autre, effectivement. Il y en a qu'une qui suit. Ouais, parce que même moi, je me souvenais plus. C'est dingue. Ah, moi, je crois que je t'écoute, hein, quand j'irai voir celui-là pour Louise Bourgoin et De Groot. Ah, d'accord. Ouais. Non, moi, j'irai voir Kingsman. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas. Parce que j'ai vraiment bien aimé le premier et j'attends vraiment le deuxième avec impatience, là, franchement. Ouais, moi, j'étais emballé quand j'ai vu la bande-annonce. J'ai dit, yeah, ils ont fait un deuxième, génial. Ah bon. Mais c'était prévu, hein, déjà à la fin du premier, ils avaient dit que si le film fonctionnait bien, et il a très très bien fonctionné, ils avaient dit qu'il y avait un deuxième qui était déjà en préparation, ils avaient déjà les idées et tout ça, donc là ça n'a pas mis vraiment longtemps, je crois qu'il est sorti il y a un an et demi à peine, le premier Kingsman. Il n'y a pas de temps mort, c'est ça qui est chouette là-dedans. D'accord. Ouais. Tu vois, tu sais, les James Bond et machin. Oui, je me doute. Que me là, me doute. Franchement... Ok, bah écoute, je vais m'intéresser à ce film. Tous les gadgets Kingsman. En plus, ah ouais, Kingsman, ouais. Le coup du parapluie, excellent. Le mec qui arrive, c'est vachement british, je suis toujours là. Écoutez, messieurs, calmez-vous, tu suis tout le excellent. J'ai pas tout compris. Bah, c'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'en fait. Moi, j'adore la pitre. Kingsman, en fait, c'est Colin Firth qui est donc un des Kingsman. Ouais. Et qui recrute, en fait, un jeune, on va dire. Pas un jeune de banlieue, mais un jeune qui n'a pas eu vraiment de chance dans la vie. Oui, en décalage avec sa mère. Et donc, il lui donne rendez-vous dans un bar. Et dans ce bar, il y a des jeunes fouteurs de merde qui cherchent justement ce jeune. Ils cherchent un petit peu à le provoquer. Et lui, il se lève tranquillement, Colin Firth, en disant « Excusez-moi, messieurs, mais je vais vous demander de partir. Sinon, je vais devoir m'occuper de vous. » Et les jeunes sont 5 ou 6 autour de lui. Ils pensent qu'ils vont lui faire sa fête. En fait, il va rétame complètement. Porte, quoi. Ouais, il va fermer la porte tout calmement. Et puis, il revient, il leur met leur race. Clairement, pour parler comme ça, mais c'est excellent. Il leur met leur race. C'est ça, mais il leur met leur race, quoi, tu vois. Ouais, parce que comme arme, lui, il y a un parapluie, tu te dis... Ouais, ok. Mais c'est pas un gadget, alors c'est vraiment un parapluie, il n'y a pas de... C'est quand même un agent secret, s'il te plaît. Ah, mais non, je ne sais laisse pas, les vagabonds de ton imagination. Mais franchement, il les défonce, quoi. Il est tout seul et il les défonce. Du ton Cléo. Et on fait bonne chair à le voir. Ah ouais. Ah, je me suis dit. Et on fait bonne chair. Ouais. Franchement, c'est. L'un dans l'autre. C'est très bien tourné, c'est très bien joué également. Franchement. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah bah écoute, je regarderai alors Kingsman. Ok, ça marche. Bon, c'est sûr, c'est pas Sausage Party. Ah, c'est vrai. Ah, Sausage Party. Qui est passé inaperçu, finalement. Oui. Bah, on se demande pourquoi. Enfin, ça a fait beaucoup de bruit au niveau de tout qui est famille de France et tout ça. Donc, mais en France, on n'en a jamais entendu parler, quasi. Si. Alors, justement, Famille de France, qui est une association qui est là, logiquement, pour protéger les enfants et tout ça. Oui, ou à pouvoir arrêter. Mais c'était pas un film qui était destiné aux enfants. Ah, c'est non, ça, en bah fait, non. Qu'ils n'ont pas compris. Famille de France se battait contre des moulins à vent, c'est-à-dire que ils ont voulu interdire ce film aux enfants, alors que le film était déjà interdit aux moins de 16 ans, je pense. Voilà, c'est abusé, quand même. C'est surtout dans le langage, en fait. Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai pas vu. Hein. Parce que, sincèrement, c'est ce genre de film d'animation où Nous, on va le prendre au second degré, ça c'est clair. Les gamins vont rien comprendre. En fait, ils vont rire. Toi, c'est le premier qui en a parlé quand même. Hein. C'est grâce à toi qu'on a découvert. Parce que j'ai trouvé ce film exceptionnel. J'ai trouvé que ce film d'animation était exceptionnel dans le sens où on ne s'attend pas à ce type de film. Parce qu'il est très bien fait. L'image, on a l'impression que c'est du Pixar, quoi, vraiment, réellement. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Tu vois, tu mets autant de ferveur à parler de ton saucisse party que nous avec. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais si vous voulez passer un bon moment et voir un truc, vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est délire quoi. Il faut regarder Sausage Party. Bah au mois d'octobre, il y a le nouveau DreamWorks qui va sortir, qui s'appelle Capitaine Super Sleep. Ah, bah, ça pourrait. Hein. D'accord. Voilà. J'ai déjà vu la bande-annonce et je vais pouvoir le voir en avant-première, donc je pourrais vous en parler. Mais c'est pour les enfants. Ouais, c'est pour les enfants. Ouais. C'est deux copains en fait d'école qui. Suite à, ils ont une bague hypnotique ou je sais pas quoi, ils hypnotisent le proviseur de leur collège et qui se prend pour le capitaine Super Sleep, un personnage qu'ils ont créé en fait. C'est divertissant. Voilà. Ouais, ça peut être divertissant. Ouais, ça a l'air rigolo quoi, parce que lui il a aucun pouvoir en fait. Hein. Donc si ça a l'air rigolo. Okay. C'est le prochain DreamWorks qui sort courant octobre. Bien. Voilà. Eh bien, merci pour ces petites informations. Ça nous a peut-être donné envie d'aller au cinéma. Tu vois qu'on va quand même aller au cinéma. Oui, quand même. Je savais pas qu'il sortait cette semaine. Alors, on va faire une petite roulette song. Je vais demander à Flipkat de me dire stop. Vas-y. Lui, il atterrit toujours dans les F. Stop. V, comme vagabond. Non. Alors, c'est Skipworth and Turner avec Thinking About Your Love. C'est un remix, en plus. Tout un programme. Harry. Cool. Stop. The Bell Stars avec Sign of the Times. Oh, bien, ça, c'est bien ça. Bon ça. Ouais. Bon, avec... C'est elles qui sont bonnes, arrête. C'est aussi un remix. Non, mais oui. Ouais. C'est bon. Ouais, on est d'accord. Ouais. Allez, bon, on s'écoute ça tout de suite, c'est parti. What to do? I can't stop thinking. but it seems to me that you don't really care. I realize now, nothing is new. Time to live my life without you. The sun. Minutes de musique non-stop. je la trouvais très longue cette version de. Oui, bah c'est un remix, hein, donc forcément c'est déjà plus long. Ouais, mais c'est vrai que. C'est un remix où on se fait chier, quoi, vraiment. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Que. On met des boucles. Bah, la chanson de base fait 2 minutes 50, oui, je crois, celle-là elle fait 5 minutes 30. Ils ont déjà doublé le temps en fait de la chanson d'origine, donc. En fait, c'est pour aller coucher, quoi, après. C'est clair. C'était pas loin alors. De la culture, ça vous intéresse? Ah, vas-y. Ah, allez, plus on en a, moins on en a, plus on l'étale. Eh ben, si je vous dis agoraphobie, c'est la peur de Des endroits clos. Non, de la foule. Non, eh ben non. Non. Eh non. Agora, c'est pas avec les araignées? Eh ben, en fait, c'est. Non. Non, c'est la. C'est l'arachnophobie, ça. Arachnophobie. Oui. Arachno, oui. Ouais, eh ben, figurez-vous que donc, l'agoraphobie, c'est la peur des lieux publics. Ouais. Ah oui, exact, ouais. Et ouais, et on a toujours tendance à se dire ah mais ouais, mais la c'est foule. Peur de la foule. Non. Et peur de la foule, c'est l'oclophobie. Ah, ça j'avais pas. On peut dire aussi l'ocmophobie ou la démophobie. Ouais. Vous le saviez ? Non. Non. Ah. L'ocmophobie. L'ocmophobie, ouais. Ouais, ouais, absolument. Alors si je vous dis par exemple allez, on va faire autre chose. Il y a aussi l'ocmophobie aussi. C'est... Bon, la nécrophobie, vous connaissez évidemment. C'est la phobie des requins. La peur des cadavres. La peur des cadavres, la nuptaphobie. Ah. Attention à ce que tu vas dire, Onissa. Je ne dirai rien. Alors, vas-y. Reprononce le mot. Alors, la nuptaphobie. Anupta. Anuptial, ouais. Quelque chose, non? Avec le mariage. Oui. Ah, oui, ça revient, hein. Ah bah oui, anupta. Eh ouais, c'est un rapport. Nuptial. Mais, non, mais comme c'est anupta. La peur de s'engager. La peur de divorcer. Non, c'est anupta. La peur de s'engager. La peur de ne pas se marier. Non, on n'est pas loin. La peur de rester célibataire. Exactement. La peur du célibat. La nuptaphobie. Je suis anuptaphobe. Ah bah, ouais, d'accord. Et bah, nous sommes anuptaphones. Moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est la coulourophobie. Et c'est quoi? C'est la peur des clowns. Oui, ah ouais, ça absolument, je l'ai. Ouais, je l'ai aussi. C'est la coulrophobie, ouais. Ouais, absolument. Coulrophobie, ouais. L'apopatophobie. L'apopatophobie. Apopato. L'apopatophobie. C'est la peur de l'à peu près. Non, non, ça, c'est l'à peu près. Et ça, ça doit être horrible. Ah bon? Ouais. C'est la peur de déféquer. Oh, la peur mais de les enfants ouais, ont l'apopatophobie. Il y a une période hein, où ils ne veulent pas. Oui, c'est ouais. Je sais que ça... Il ne faut pas confondre, il a été déféré au parquet, il a déféré sur le parquet. Hein, c'est... Oui, non, bah, merci. Merci. Ça doit toucher Sherlock, évidemment. C'est l'afrophobie. L'afrophobie? Ouais. La peur des noirs? Bah ouais, afro. Bah non, comme aphrodisiaque. Ah! La peur de l'érection. On n'est pas loin. Ça, on n'est pas loin. C'est presque ça. D'éjaculation. C'est la peur du désir sexuel. Ah, oh, mais ça ne fait pas ça peur. Ça s'appelle comment, ça? L'afrophobie. L'afrophobie. La peur du désir sexuel. Ouais. La cystophobie. Ah, oh, ouais, mais ça, c'est bon. La peur des cystites. Bah, non. La peur de faire pipi. Exactement. Ouais. Exactement. Qui va avec les cystites, bah c'est oui. Pissage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'aime là. J'aime bien, moi, chercher. Bah justement, là. Alors, je comprends pas, là. Ah. Vas-y. La cluophobie. La cluo? Ouais. La clio? La cluophobie, c'est la peur de la cluophobie. Une voiture Renault. C'est la peur du noir à l'âge adulte. Hein? T'appelles ça comment? La cluophobie, la peur du noir à l'âge adulte. La cluophobie. Bah ouais, c'est un peu bizarre ça. Ouais. Pourtant, je suis sur un site officiel. Hein. La gonadophobie. Oh. Gonado. Ça, c'est la peur des boules. On n'est pas loin, mais c'est la peur. Les gonades, des c'est. C'est la peur des organes sexuels. Ouais, c'est en fait. Ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. Alors. Bon, la nuptophobie, on en a parlé. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Ok. L'onissaphobie. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'onissaphobie? C'est la peur qu'elle ne vienne pas. Exactement. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est Harry qui est. On va terminer avec l'hémétophobie. L'hémétophobie, la peur du sang. Ouais. Non, pas l'hémophobie, hein. L'hémétophobie. La peur d'Emmett Brown. De se blesser. Non. Héméto. Ouais, je fais le malin, évidemment, parce que moi j'ai la réponse, hein, mais c'est la peur de vomir. Ah, mais ah, oui. Ça, il y en a beaucoup, hein, il semblerait. C'est oui. Pour ça qu'il y en a qui serrent les dents pour garder les commentaires. Ah, moi j'ai pas peur, moi j'aime pas. Non, mais non, je crois qu'il n'y a personne qui aime bien vomir. Non, hein, mais à non, sérieux. Vomir, ça me fait vomir, vraiment. Donc ça n'en finit plus. Non, mais la peur de vomir, ouais, ça doit être quelque chose. Ouais. Ah, ouais. Mais alors, justement, vous avez des phobies? T'as une phobie, toi, Anissa? Moi, j'aime pas les araignées et les clowns. Et les clowns, d'accord. Donc, alors, les araignées déguisées en clowns, je te raconte même pas. C'est clair. Mais je n'ai pas écrasé une araignée, hein. Je te promets, mon fils, il met un mourir de rire. T'entends une folle qui fait. Mon fils, il fait ça, j'arrive. Ah ouais. Je peux pas, ça me... Ah moi non plus j'aime pas, ça mais bon, je veux pas être à ce point-là quand même, mais... Flipcat, t'as peur de quoi, toi? Forbanophobie? Oui, il y a ça, ouais. Je Les vagabonophobies. La vagabonophobie. Ouais. La francophobie. Là? La francophobie. T'aimes pas la chanson française, donc... Ah, la chanson française, oui. C'est la francophonie, ouais. Sinon, je suis fier d'être français, oui. Ouais, non, mais alors t'aimes pas quoi? Ah, voici. L'aquaphobie. Non, je vais te dire quoi. Le papier mouillé. D'ailleurs, on parlait. Ah ouais, le papier mouillé. Ouais. Le papier mouillé. Ou un partout de ski dans la bouche. Tu sais, les bois. Ah, le bois, oui. Le bois. Ouais, ah ouais. Il y en a beaucoup. Alors, par contre, vous trouvez le nom de ça. Ça me fait pas peur, mais ça me donne des sensations. Et donc, à l'idée de. Ah ouais. Tu sais, ouais. C'est un peu comme le. Vous savez, le papier qu'il y a autour des bouquets de fleurs, là. Ouais, le cello. Ouais, toucher ça, je déteste aussi. Ah ouais? Ouais, dis donc, avec tous les paquets que je fais. Mais c'est pas une crainte, ça. Non, c'est pas une crainte, mais. C'est pas une crainte, c'est une pas aimée. Non, mais lui, il a quand même eu la chair de poule, rien qu'à le dire, le papier mouillé. Ouais, il l'évoquait. Ouais, mais papier mouillé, c'est-à-dire quand il est sur toi? Bah, tu sais, comme quand on détapissait. Oui. Le papier mouillé, le vieux. Ah oui, ouais, mais c'est l'odeur. C'est l'odeur du vieux papier mouillé. Non, pas l'odeur. Ouais, la texture, peut-être. Ah ouais. Ah ouais. C'est marrant, ça. Ouais, pourquoi pas. Et toi, Sherlock? Les lapins, la cuniculophobie. Ah, t'aimes pas les lapins? J'ai peur des lapins. Mais je crois qu'on dit la cunilinguisophobie. Pardon? C'est toi, c'est la cunilinguisophobie qui t'a peur. Non, la cuniculophobie. Cuniculophobie. Ah ouais, t'as peur des lapins. C'est la peur des derrière des lapins. Parce que le pire, c'est que j'ai eu un lapin en fait chez moi. Ouais. Mais j'en avais peur, je pouvais pas l'approcher. Mais t'en manges ou pas? Oui, j'en mange. C'est pas. Enfin, c'est vraiment l'animal le toucher en fait. Uh-huh. Ah, j'ai peur parce qu'il a des griffes au niveau de ses pattes qui sont super. Les pattes arrière sont super acérées, super uh-huh. puissantes. Et je me dis, j'ai toujours eu l'appréhension en fait, de le prendre, qu'il se débatte, qu'il m'ouvre les veines. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein, ouais. Ah oui, mais quand t'as une. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une blague, ça tient justement de lapin. Vas-y. C'est deux petits gamins qui sont à table avec les parents. Et puis, alors le père, il est un peu gêné parce que. Il y a le petit frère et la petite sœur. Bon, le petit frère, il est plus grand, la petite sœur, un peu plus petite, mais il est un peu gêné parce qu'ils ont un petit lapin et ils font à manger du lapin. Ils n'osent pas trop leur dire quoi ce que c'est exactement parce que ils ont une certaine affection pour le lapin, mais ils mangent quand même quoi ce fameux lapin. Et puis il y a un moment, la petite fille elle dit à son papa, elle dit mais c'est quoi que je mange là, c'est quoi? Alors, le papa il sait pas quoi répondre quoi. Il dit rien, si papa, dis-moi, qu'est-ce que je suis en train de manger là? Il dit, tu sais, tu sais, quand maman, parfois, elle m'appelle de ce nom-là, tu sais... Et puis, tout d'un coup, t'as le petit frère qui fait... Recrache ! C'est un trou du cul ! Ah. Oui. Oh non. Okay. D'accord. Bon, et toi, ta phobie, c'est quoi ? Parce que là... Ma phobie. J'ai peur de quoi ? Je sais pas, moi. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Les serpents? Je sais pas parce que j'aime pas, mais de là à dire que j'ai. Ouais, si, j'ai peur aussi des serpents, ouais. Moi, les serpents, ça me fait rien. J'en ai déjà eu sur moi. Plus, ouais, mais... Non, j'aime pas, mais je sais pas, j'ai jamais été vraiment confronté à des serpents, quoi. Là, depuis que tu m'as posé la question, c'est vrai que je me surprends à chercher, puisque j'ai pas su quoi répondre. En fait, je crois que j'ai pas, comme ça, spontanément, je sais pas, peut-être que j'ai des craintes ou des peurs. Et parce que j'essaie d'aller au-delà. Je sais qu'en vieillissant, j'ai le vertige. Mais cependant, je suis allé à Saïch, je me suis monté dans tous les manèges. Ah, moi, je pour essayer pas, de me ouais. surpasser. Et avant, je l'avais pas. Je le fais. J'ai ce besoin de voir jusqu'à où je suis capable de. Et de même d'essayer de passer cette. Descends aux Hurlus, là. Hein tu descends aux Hurlus en rappel. Je le ferai. Ah ouais. Mais attention, parce que moi, je souffre aussi de ça. Justement, en vieillissant, c'est pire. Mais moi, c'est pas le vertige, c'est la peur du vide. Oui, la peur. Il y a une nuance. Oui. Parce que moi, le vertige, je peux monter haut, oui. sans problème. Tant faut surtout pas que je me retourne. Non, ouais, faut pas que je me retourne. Que tu regardes. Oui, parce que je peux monter sur une échelle et puis aller monter un truc, y a pas de souci. Mais à partir du moment où je vais baisser la tête et regarder, oui, c'est ça. C'est et là, c'est fini. Oui, c'est ça. Parce que même, pourtant, je sais très bien nager. J'ai déjà nagé en eau profonde. Eh ben, moi, mais ça me fait de peur, penser ça. Que t'es si j'ai pas pied, que c'est voilà. C'est ça. Bah, mais cependant, je vais y aller. Ah, ça c'est plus dangereux, hein, parce que moi j'ai fait de la plongée, et si tu penses comme ça, t'es mort. Ouais, enfin, tu risques rien, il flotte. Mais je te dis, même le fait. Tu plaisantes, t'as les paliers de décompression, hein, t'arrives en haut, t'as fait. Oui, mort, hein. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, oui. Ah, ça, c'est si tous les plongeurs et ça. Mais un truc, alors justement. Ah oui. Et je pense que je rejoins ce que tu disais, ça doit être ça, la pas de vide, parce que je me souviens qu'il y a quelques années de ça, quand j'étais retourné au ski avec mon beau-frère, on a pris un télésiège, et il y a un moment, on s'est retrouvé très haut. Ce que je n'aimais pas, c'est ne pas voir mes pieds qui touchent sur quelque chose. Ouais. Donc à partir de là, voilà. Je sais que je suis déjà monté sur une voiture pour changer des spots pour éclairer un magasin. En fait, je me défie de. Ouais, et c'est pour ça les manèges. De toute façon, on m'avait payé ma place. Je dis, ça serait con si je fais toute la journée à les attendre qu'ils fassent les manèges. Et j'ai fait tous les manèges. Non, mais c'est clair. Moi, j'adore ça. Par contre, les attractions, sensations et tout ça, j'adore ça. Mmh. Et je prépare ma fille à ça d'ailleurs. Mais non, et que moi, elle, de toute façon, t'as pas besoin de la préparer. Elle est tellement jeune qu'elle a pas conscience, je pense. Non, mais moi, dans le temps, j'avais pas de problème. Maintenant, je sais plus. Je la colle au plafond, je la lâche et je la rattrape au dernier moment. Ouais, mais bon. Ma copine croyait que je déconnais. Je pensais que j'allais la lâcher. Je me dis, en faisant ça, elle va moins avoir peur des attractions en sensation. Je la colle au plafond, je la lâche et je la rattrape au dernier moment. Je me dis. Jusqu'au jour où, paf. Ben voilà, bon, bah après, ça c'est. Non, c'est pas fléchir, mais là, c'est un accident technique, c'est une attraction. Voilà. Ouais. En fait, il y a acheté, tu sais, les casques quand tu commences à faire du kickboxing. T'es gentil, tu vas faire attention parce que tu me l'as promis pendant 15 ans, donc c'est j'aimerais vrai. Bien la récupérer en une seule pièce, si c'est possible. Ouais, mais à force, elle sera modelée, hein. T'inquiète, hein. Elle est craquinée, en plus elle est belle. Bon ben voilà, c'était notre nos minutes culture. J'espère que les auditeurs ont apprécié tout comme nous. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que allez. Et oui, ouais. Et après on parlera de, on pourra faire aussi une chronique sur sur ce qu'on aime aussi, sur parce que là on parlait des crates, mais aussi ceux qui aiment. Mais ça dépend à quelle heure. Oui. Ouais, on parlera pas de la toyophilie, c'est ça? La phallophilie. Je sais pas si ça existe, mais on va pas être très loin. La sextoyophilie. La sextoyophilie, ouais. Mais c'est délicat quand même. La comme double dongophilie. Ouais. Là? La double dongophilie. Bon, ben voilà, on a super bien fini. Hein. Bah ouais, voilà, bah, on a le droit après 22h30, on a le droit de faire des conneries. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, ça dépend à quelle heure on fait cette chronique-là, quoi. Bon, eh bien, sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne nuit. Une bonne semaine. Et une bonne semaine, et puis nous, on se retrouve mardi prochain. Ouais, une bonne fête des Hurlus. Oui, absolument. Et puis. Et puis bah, tu nous en parleras puisque tu y seras toi aux urgences. Non, je n'y suis pas, je suis désolée. Bon, bah, on aura peut-être des retours. Tu n'en parleras pas, mais. Bah, j'en parlerai un peu parce que j'ai les échos quand je suis à la boutique, mais je ne serai pas présente le dimanche. Eh ben ça marche. Et alors la prochaine chronique, c'est quand? C'est dans 15 jours, c'est ça? Pourquoi? Parce que tu nous fais une chronique, c'est tous les 15 jours d'habitude. Oui, je sais pas. Bon, ah, la semaine prochaine, tu peux nous faire une chronique. Ça va être difficile quand même, je pense. Moi, je vais voir. Bah, faut aller. J'ai un peu. Allez, une fois des. Sur des dessins animés. T'as ou pas des trucs fait. Comme ça. Allez, on y va. Oui. Je peux pas les mettre en parole, c'est bon, difficile. On va saluer aussi notre SMS au fil. Et puis. Et Jack. Oui. T'as vu ses yeux? Tu l'appelles Jack. Jack, mon magique. Yeah. Ah, je te jure, tes yeux se sont illuminés direct. Merci, merci pour cette belle chronique sur Jenna Lewis. Jonah Lewis. Jonah Lewis, oui. Jonah Lewis. Je viens de le mettre le truc. J'ai vu. Jonah Lewis. Et puis, merci à Sherlock pour la Rétro Ciné 80 avec Bigfoot. Ben, et également les sorties Sinoesh. Merci à Onissa pour cette belle chronique sur les Hurlus. Et puis, bah, nous, on se retrouve donc. Merci à toi pour ta présence parmi nous. Et ta chronique? Et ton nez de canard? Ah bah j'en ai fait une. Bah oui. Bah oui, justement, ça va bien. Bien sûr. Et la semaine prochaine. Moi j'aime bien quand tu fais des chroniques comme ça. C'est vrai? Ouais, tu nous as fait la fois passée aussi, enfin il y a longtemps déjà. Ouais, ça va. C'est sûr, je te promets, moi j'aime bien. T'apprends toujours quelque chose. Bah j'en ferai d'autres, des chroniques culture. Ça marche. Et bon, on va se quitter avec The Jacksons et Can You Feel It? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, on a plus de matos. Allez, bonne semaine à tous. Allez, bisous, bonne soirée, ciao, ciao. Avec les caméras, viens revenir à la live sur une chaise. Eh ben, allez, ciao. C'était le bon mot de Picard. Brothers and sisters, shall we know how?